Salut, juste une petite info avant d'attaquer l'écoute de cet épisode. Ce septième numéro, il a été enregistré sur scène, en extérieur, à l'occasion d'un festival. L'audio est donc différent de l'habituel. Ne soyez pas surpris d'entendre du public par moment et d'avoir un peu d'écho lié au contexte d'enregistrement. Bonne écoute. Le club. Bonjour à tous et bienvenue. Bonne écoute pour ce septième épisode du podcast Le Club. Le Club, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale. Je vous le disais déjà la dernière fois et je vais encore le répéter ce mois-ci. Numéro spécial, comme d'habitude, parce que nous sommes en direct depuis le Festival du Numérique qui est organisé par la ville de Quimper sur l'esplanade derrière la médiathèque. Pour l'occasion, j'ai fait venir des passionnés de jeux vidéo. J'ai avec moi Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Et Fabien. Salut. Vous allez bien ? Très bien. Carrément. Aujourd'hui, on s'est dit que pour changer, d'habitude, on parle toujours soit de jeux, de livres, de films, de musique, etc. Le jeu vidéo a quand même cette spécificité d'évoluer au gré des consoles. Et du coup, pour ce septième numéro, pour le festival numérique dont le thème est le jeu vidéo et l'arcade, on s'est dit qu'on allait revenir sur les consoles qui nous ont le plus marqué dans notre vie de gamer. Alors, avant d'attaquer le sujet, moi j'aimerais, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas forcément, que vous vous présentiez rapidement un petit peu votre profil de gamer, à quoi est-ce que vous aimez bien jouer, les types de jeux qui vous parlent le plus, et ça donnera peut-être des petits indices pour ensuite les consoles qui vont être évoquées. Loïc, je te laisse commencer. Ok, alors moi je suis un... Je suis un vieux gamer, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une vie à côté, donc j'ai pas forcément le temps de prendre beaucoup de temps pour le jeu vidéo, donc je fais souvent des jeux plutôt rapides, genre des trucs Mario Kart ou là Tony Hawk, ça me fait des petites sessions, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum, et je fais beaucoup de petits jeux comme ça, beaucoup sur la Switch, qui est pratique parce que du coup tu peux envoyer partout avec toi. Donc pas mal de sessions courtes quoi, ouais, de jeux vidéo. Tout ce qui est jeux qui durent 30 heures, c'est mort. Ouais, pas de gros RPG. Je me permets juste un petit Zelda l'été quand j'ai un peu de temps. Ok. Je peux me coucher tard, c'est pas grave. Trop bien. Eh ben, je crois qu'on va avoir l'exact opposé à côté de toi, c'est-à-dire qu'on a le fan des jeux qui durent au moins 30 heures. Alors bonjour, je suis l'exact opposé de Loïc. moi c'est pareil, j'ai assez peu de temps, donc moi je fais effectivement beaucoup de RPG, beaucoup de jeux d'aventure qui durent quand même pas mal d'heures, parce que moi je porte une importance sur l'histoire, sur l'atmosphère, etc., en plus de graphisme. Et du coup, voilà, c'est vraiment mon style de jeu. Et ben, par contre, tout comme toi, j'ai assez peu de temps pour y jouer maintenant, beaucoup moins qu'avant. Même si ça fait très très longtemps que je joue, ça fait au moins 30 ans que je joue. Et voilà, j'ai moins de temps, mais j'aime toujours autant ce type de jeu. Donc je mets facilement 6-8 mois à finir un jeu. Donc la liste s'accumule et les jeux finis, beaucoup moins. J'ai l'impression que tu me disais la même chose l'année dernière déjà. On change pas de profil en un an. C'est clair. Et moi, je vais revenir rapidement parce que pour ceux qui auraient éventuellement écouté les derniers numéros, j'ai déjà eu l'occasion de parler un petit peu de mon profil de joueur, mais très Nintendo aussi, donc à fond sur la Switch. Et pas mal de jeux indépendants aussi, donc visiblement on se retrouve dans un certain nombre de choses. Et voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail puisque j'ai évoqué ça en fait dans le sixième épisode, là c'est le septième, donc généralement les gens suivent d'épisode en épisode, donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, là pourquoi on se retrouve, c'est pour parler de consoles qui ont marqué nos vies. Là je vous vois faire oui de la tête, je sens des souvenirs qui balayent votre esprit. Si je vous dis console qui a marqué votre vie, est-ce que vous avez déjà une console là chacun qui vous vient en tête ? Une qui vous a peut-être plus marqué que les autres. Comme ça, j'hésite entre la PS2 et la GameCube. Ok. Alors moi, j'en ai deux aussi. Donc, je veux dire la Super NES en premier et celui de la PlayStation 1. Et la PlayStation 1, donc la génération juste avant Loïc. Ouais, c'est ça. C'est ça, voire même deux pour la Super NES. Oui, effectivement, parce qu'il y a la 64 entre-temps. Et moi, forcément, on en a déjà parlé avec Fabien. Moi, c'est plutôt la GameCube. Est-ce qu'il y a une des consoles là qu'on a citées, que vous aimeriez qu'on aborde ? L'idée c'est qu'on discute un petit peu, pour commencer, d'une de ces consoles, qu'on revienne éventuellement sur pourquoi elle nous a plus marqué que les autres, ou peut-être moins, dans ton cas, Fabien. Est-ce que c'est lié à la machine en elle-même? Est-ce que c'est lié au catalogue de jeux, à des souvenirs en particulier, peut-être des moments qu'on a passés avec de la famille ou autre? Là, comme on est plusieurs à avoir cité la GameCube, on commence par la GameCube. Allez. Et ensuite, on attaque sur une de tes consoles, Fabien. Ça te va? Très bien. Je suis d'accord. Alors, Loïc, pourquoi est-ce que tu as cité la GameCube? La GameCube, c'est pour Resident Evil 4. Ok, donc c'est... C'est juste pour... En fait, je l'ai acheté pour ce jeu-là. Ok. Parce qu'en fait, on avait... le samedi après-midi, le dimanche après-midi avec ma femme, c'était le petit rendez-vous, paquet de M&M's et Resident Evil 4, fermé les volets. Et okay. C'était parti pour 3-4 heures de jeu. Elle à côté en train de flipper et moi qui essaie d'avancer tant bien que mal sur le jeu. Quoi. Donc c'est vraiment une console que tu associes du coup à un jeu et à des ouais. moments précis de ta vie. Ouais. Après, j'avais fait d'autres jeux dessus, mais le GameCube, on l'a acheté que pour celui-là. On a passé je sais pas combien de dimanches après-midi à jouer avec. C'était génial. Quoi. C'est vraiment super, on s'est bien amusé. Quoi. Resident Evil, toi, Fabien, à mon avis, ça t'évoque quelque chose aussi? Ben, ça fait écho, effectivement. J'ai notamment acheté cette console pour ce jeu-là, parce qu'il était exclusif. Enfin, c'est pas le premier achat, mais effectivement, il était exclusif à la GameCube au début, avant de sortir plus tard sur d'autres plateformes. Et du coup, ben là, ça faisait aussi une partie du fait que j'ai acheté la GameCube, tout simplement. Je trouve ça ouf, parce que dans mon logiciel de pensée, en fait, j'ai du mal à concevoir que... ce qui est déclencheur de l'achat d'une console Nintendo, c'est pas un jeu estampillé Nintendo, tu vois. Ah non, Resident Evil 4 Capcom. Oui, ouais, Capcom. C'est ça. C'est pas commun d'entendre c'est Resident Evil qui me fait acheter une console Nintendo, quoi. Bah, ça faisait partie en tout cas. Ouais. Pour moi. C'était dedans. Bon, après j'avais un Mario Kart avec, mais jamais accroché sur celui-là. Par contre, ouais, Resident Evil, tuerie. Ah ouais, toi, Mario Kart double dash sur GameCube, ça non, t'a... Non, j'arrive pas. C'est le seul Mario Kart qui me résiste encore. Je n'arrive pas. Je comprends pas. C'est étonnant parce que souvent, il est cité comme un des Mario Kart préférés des joueurs parce que justement, il est un peu atypique, possibilité de jouer à deux et tout. Le seul de laquelle j'ai jamais joué. Moi, je trouve que la dynamique au niveau des... Quand on les vit, enfin, des dérapages, elle est pas... Elle est pas fluide. Enfin, c'est pas... Ouais, on a un peu l'impression qu'il y a des savonnettes sous les roulettes. Clairement, quoi. Ouais. Toi, la GameCube, c'est une console qui te parle beaucoup, Fabien, ou pas trop Alors moi, je l'ai vraiment pris pour certaines exclusivités. Ouais. D'ailleurs, moi, j'avais acheté le pack Tales of Symphonia, la fameuse GameCube verte-bleue, là, qui était vraiment très sympa, que je regrette d'avoir vendu. Tu m'étonnes. et voilà. Et du coup, Tales of Symphonia, bon, étant fan de RPG, il était vraiment exclusif à la GameCube aussi, donc c'est un jeu que j'ai pris pour cette console. Bah, grand jeu hein, qui a été réédité sur PS3 si je ne me trompe pas. Ouais. Mais en soi, est-ce que la GameCube, c'est une console que tu portes un peu dans ton cœur ou peut-être moins, je sais pas. C'est une console, j'ai joué à certains jeux, mais je prenais vraiment que les jeux qui n'existaient pas sur d'autres plateformes. Et aujourd'hui, c'est une console que tu vas pas avoir le réflexe de relancer Pas vraiment, sauf vraiment pour certains titres. Ouais. Ça va être des certains titres comme Baten Kaitos pour citer encore un RPG, mais sinon ça peut être aussi du Eternal Darkness, donc style un petit peu plus survival horror. C'est vraiment ce type de jeu qui n'a jamais été réédité par la suite. Ouais, ouais. C'est vraiment les jeux qui vont faire rebrancher la console. Les gros RPG en fait de l'époque. Ouais, qui n'ont pas été forcément réédités quoi. Ouais. Bah, à part le Tales of, ouais. Bah, moi la GameCube, comme je vous disais, c'est vraiment ma console de cœur quoi. C'est-à-dire que quand je repense aux jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie de joueur, il y a beaucoup de titres sur GameCube qui ressortent. Évidemment, j'en parle à chaque fois, il y a Zelda Wind Waker. Pour moi, c'est le jeu numéro 1. J'ai jamais joué à un jeu qui m'a plus que celui-là. Quoi. Mais en fait, c'est une console que je trouve assez incroyable parce que la quasi-totalité du catalogue, pour moi, c'est quasi que des classiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de figure de certaines autres consoles où il y a un catalogue de jeux qui est absolument colossal. Typiquement Wii, DS, PS2, etc. Sur lesquels on va retenir en fait qu'un petit pourcentage du catalogue global. La GameCube, j'ai l'impression que, je sais pas, quand tu vois un rayon de jeux GameCube... Tout le catalogue est bien. Enfin, moi, chaque fois, je voulais acheter des jeux, je me dis, mais qu'est-ce que je vais acheter? Ça, ça a l'air bien. Et puis la GameCube, c'est un truc particulier. C'est que moi, je l'ai acheté, on était pas en fin de vie, mais on était quasiment arrivé au bout. Ouais. Les jeux n'avaient pas de décote, en fait, sur les jeux. Ouais. C'est-à-dire que tu prenais des vieux jeux de PS1, tu pouvais payer 5 euros. J'ai acheté mon premier PS à 5 euros. Et Nintendo, c'est genre 40 balles, etc. Ouais. C'est pas possible. Ça, Mais le catalogue de jeux est quand même fou. C'est-à-dire que moi, quand on me dit GameCube, je pense forcément Wind Waker que je citais, mais Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash, Super Mario Sunshine, Luigi Mansion. Enfin, Mario Party, pour moi, c'est la grande époque des Mario Party, plus que la 64 ou la Wii. Grave. Tales of que tu citais, Baton Kaitos, les Star Wars de la GameCube, ils sont fous aussi. Exact. J'ai l'impression qu'il n'y a quasi que des bons jeux. Mais en fait, c'est aussi, il faut noter, c'est une des dernières consoles aussi où tu pouvais acheter un jeu. Le jeu était fini. Tu n'avais pas de mise à jour derrière. Ouais. Maintenant, ça se fait plus. Et souvent, quand on parle de console, on parle de l'aspect technique de la console. Moi, par exemple, ce qui fait aussi que j'aime la GameCube, c'est sa manette. Ouais. Oui, elle est très bonne. Pour moi, c'est une des, si ce n'est la meilleure manette de l'histoire du jeu vidéo, qui est quand même particulière. C'est-à-dire qu'elle a cette espèce d'embranchement là. Sur le bas. Alors là, il y a des gens qui nous suivent en direct et qui nous passent le coucou, donc coucou Jonathan. Et c'est quand même une manette qui est particulière, c'est-à-dire que je trouve que elle a eu plus d'impact que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde pas mal de manettes pro chez Nintendo, les manettes de Switch Pro, Wii U Pro aussi, mais finalement, les manettes qu'il y a eu ensuite dans les évolutions côté Microsoft aussi, dans l'emplacement des touches, ça me fait un petit peu penser à cette manette de GameCube. Mais elle était tellement bien que sur Wii, tu pouvais la rebrancher. C'est-à-dire que même Nintendo s'est pas fait embêter à refaire une autre nouvelle manette. Ils t'ont dit, t'as la Wii, t'as la manette de GameCube, tu la rebranches directement dessus, nickel. Alors sur Wii U aussi, il y avait un adaptateur que tu pouvais acheter dans un pack spécial de Smash Bros. Et je crois que il y a aussi un adaptateur pour la Switch, parce qu'il y a des mecs qui continuent à jouer à la manette de GameCube depuis la sortie de la console. Il y a que ces manettes-là que tu peux réutiliser, les autres c'est toujours une manette, une console, quoi. Ouais, c'est clair. Ils ont réédité aussi des manettes GameCube. C'est ça, c'est les mêmes mais en USB que tu peux brancher directement sur ta Switch en fait. Ouais. Vous, c'est une manette qui vous a plu, qui vous a marqué? Alors moi j'ai trouvé plutôt sympa, mais j'aimais pas du tout les gâchettes. Les gâchettes du haut. Ouais. Ah bah moi c'est ce que je préfère. Elles rebondissent trop, je trouve. Tu vois, sur la PS1, sur la PS2, elles sont... Ouais. Là je trouve qu'elles ont un petit ressort derrière qui doit être un peu plus... Mais en fait ça marche trop bien pour les Mario Party, tu vois, ce genre de jeu où t'as besoin de cliquer plein de fois, etc. Ça marche trop bien, c'est-à-dire que ça revient. Et c'est surtout que pour une fois, on avait des gâchettes qui épousaient la forme des doigts. C'est-à-dire qu'elles étaient creusées et donc on glissait ses doigts dedans. Chose qu'on n'a pas trop retrouvée par la suite, alors que moi je trouve qu'en termes de confort, la manette est vraiment top, quoi. Et ce petit joystick jaune qui est en bas à droite, directement sous le pouce, notamment pour faire des attaques un peu spéciales dans Smash Bros, c'est parfait, quoi. Et la console en elle-même, c'est-à-dire que ce petit cube qu'on peut facilement transporter et tout... Ça aussi, ça fait partie des choses qui vous ont séduit ou non. Je l'ai pas beaucoup transporté celle-là. Hein. C'est pas ah ouais. C'est une console salon. Hein. C'est pas. Moi, je trouvais bien parce que justement, il y avait le côté beaucoup plus compact que d'autres consoles. En définitive, je trouvais que c'était beaucoup plus facile à caser dans un meuble télé, etc. C'est vrai qu'elle était petite, elle est facile à caser. Après, elle avait sa poignée qui faisait qu'on pouvait la transporter. Bon, après, moi, j'utilisais pas non plus spécialement pour ça. Déjà, il y a ça et il y a aussi le message qu'elle envoyait, cette console. C'est-à-dire que le premier truc qu'on voyait sur la console, c'est que c'est un cube, mais le premier truc qu'on voit, c'est quand même 4 ports manettes et c'est nous, ce qu'on vous propose, c'est une manette pour jouer avec vos potes. Quoi. C'est ça. Une manette, une console. C'est top et chose qui moi m'a pas mal séduit aussi sur cette console, c'était le fait qu'on pouvait rajouter des extensions dessus, type le Game Boy Player qu'on pouvait fixer en dessous de la console pour jouer à ces jeux Game Boy Advance sur la GameCube. Oui, tu peux aussi brancher tes Game Boy Advance directement dessus. Moi j'avais fait Zelda Force World et tu pouvais jouer avec tes potes qui avaient des Game Boy Advance et tu avais des trucs en plus sur la Game Boy que toi t'avais pas sur ta manette. Exactement, ouais. Ça marchait aussi dans Wind Waker pour trouver des trésors sous l'eau. Nintendo a poussé le vice jusqu'à te faire acheter une Game Boy Advance pour jouer avec ta GameCube. C'est pas mal. Et 4 fois le jeu. Comment ? 4 fois le jeu, ouais. Et 4 fois le jeu dans le cadre de Zelda. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Pour Wind Waker, je sais pas, il n'y avait pas besoin de jeux supplémentaires. Non, c'est pas vraiment pour Mais c'était pour Force World Adventure, en fait, ouais. Il fallait racheter les jeux en plus. Fallait le jeu, je crois, sur Game Boy Advance, ouais. Ah oui. Ouais. Parce qu'il était sorti sur les deux. Mais la version Game Boy Advance, c'était un double jeu, c'est-à-dire que t'avais Force World et t'avais Link to the Past. Link to the Past, effectivement. C'est ça, c'était un bundle. Ouais. Top jeu, ça. Et du coup, les jeux qui vous ont le plus marqué sur cette console. Là, si vous deviez me citer trois jeux, visiblement, je pense que vous allez tous les deux me citer Resident Evil 4, si j'ai bien compris. Ouais. Non, pas du tout. Non, toi, tu vas me citer le 0, te connaissant. Non, le Rebirth, le 1 remake, okay. Qui pour moi reste une référence. Ouais. Dak. Ouais, moi, c'est Resident Evil 4, Mario Kart et Mario Party. C'est pareil. Malgré le fait que tu l'as pas trop aimé, tu me cites quand même Mario Kart. Bah, parce que ça reste un Mario Kart et que Mario Kart sont quand même. Oui, même quand il est moins bien que les autres, ouais, ça reste bien. Quand même. Oui, bah, quand tes potes y viennent, moi je sais que j'ai une vingtaine de consoles à la maison au grenier qui sont prêtes à jouer. Souvent, on sort la GameCube, on joue quoi ? Moi, on joue Mario Kart. Ok. Même donc, si ça m'énerve, mais c'est pas grave, c'est que du plaisir. Quoi. RE4, Mario Kart Double Dash et tu m'as dit Mario Party. Lequel Mario. Le 5 ? Alors lequel, je sais plus. Ouais, je trouve l'un des derniers qui était sorti là. Je dis le 5 parce que c'est mon préféré en fait. À peine orienté. C'est clair. C'est le dernier qui était encore. Enfin, qui était bien après les autres sur Wii, ils étaient nuls. Eh ben, je crois que le dernier de la GameCube, ça doit être le 5 parce que je crois que sur le 7, c'est sur Wii, mais le 6, je crois que c'est sur Wii aussi. Hein. Ouais. C'est pareil, c'est un jeu, t'as des potes qui viennent, tu peux mettre. Moi, je sais, ouais. On avait des potes qui étaient venus 3-4 jours à la maison. On a sorti le jeu, on a fait 100 tours. Et on a passé 4 jours à jouer sur la même partie, à se foutre sur la gueule, quoi. C'était bien. Bon, là, je vois que dans le chat, il y a des fans de Super Smash Bros. Melee. Peut-être qu'on le citera, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vous spoil, il risque d'apparaître dans mon top. Mais, et c'est surtout que les Mario Party, à l'époque, je les trouvais hyper généreux. C'est-à-dire que t'avais le mode party, etc. Mais t'avais d'autres modes de jeu. Et notamment dans le 5, t'avais un mode d'affrontement de véhicules. Et en fait, plus tu gagnais de trucs dans les modes party, etc., tu gagnais de quoi te payer des pièces pour tes véhicules et affronter tes potes dans... T'avais un jeu de beach volley aussi. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais plein de jeux en un. Enfin, ça marchait trop bien. En plus de tous les mini-jeux, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on te sortirait à la fois Mario Party et Mario Beach Volley. Et là, sur le CD, t'avais les deux en un, quoi. Et puis okay. Surtout, tu pouvais te foutre sur la gueule, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Fabien. Alors un top 3, ça va être un peu chaud, mais je vais essayer de m'y mettre. Alors il n'y a pas forcément de classement, mais c'est trois jeux que tu retiens sur la console, quoi. Ceux pour lesquels j'ai beaucoup joué, donc Resident Evil Rebirth déjà. Ok. Donc le remake du premier épisode. Je vais citer Baton Kaitos, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça, clairement, c'est pas un jeu qu'on cite souvent dans les grands jeux de la GameCube, alors que grand jeu justement. Et pourtant, ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas été un succès commercial de fou, tu vois. Non, bah d'ailleurs, c'est dommage, ça a enlevé l'hypothèse de la sortie du 2. Ouais. Enfin, du Origin, en fait, en France, enfin en Europe. Il est sorti vraiment qu'aux États-Unis et au Japon, évidemment. Donc, Baton Kaitos, Resident Evil Rebirth et j'hésite. Je peux en mettre deux au même niveau après. Allez, tu vas me dire Tales of Symphonia. Non, même pas. Je vais mettre un Mario. Je vais mettre Paper Mario. Ah, Paper Mario, ouais. Minère, qui est très très bon. Enfin, c'est mon préféré des Paper Mario. Et puis, ouais. Bah, Wind Waker, Zelda, The Wind Waker qui m'a. Voilà. Bon, là, tu prêches un convaincu. Hein. Je vais pas beaucoup en rajouter. Eh bien, moi, forcément, bah, je vous le disais dans les jeux que je retiens, bah, Wind Waker, Super Smash Bros. Melee, et un troisième, c'est compliqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux qui me plaisent, mais si je dois trancher, je dirais le Mario Sunshine. Mario Sunshine, parce que je trouve que les Mario en 3D se renouvellent à chaque fois. C'est-à-dire que avant ça, on avait eu le Mario 64 qui a été une révolution. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a Mario Sunshine qui arrive après. Sur la console suivante, les galaxies. Énorme. Et en fait, je trouve que pendant une dizaine d'années, on a eu Nintendo qui, sur les Mario 3D, arrivait à chaque fois avec des concepts de fou. Et le Sunshine, je pense que jamais personne aurait pu se douter que Nintendo annoncerait un Mario... où la mécanique de jeu, c'est d'avoir une espèce de jetpack qui permet soit de s'envoler avec de l'eau, soit de balancer de l'eau. Quoi. C'est quand même sorti d'un esprit tordu, je pense. Mais du coup, le jeu hyper efficace, trop chouette, très généreux, parce qu'il faut y aller pour aller chercher toutes les étoiles, enfin tous les soleils. C'est un grand jeu. Mais franchement, ça a été dur de choisir, parce que j'hésitais à citer Star Fox Adventure. Tu vois. Ah, qui est pas mal aussi. Hein. Ouais. Mais comme j'ai cité Wind Waker, Star Fox Adventure, on est un peu sur un jeu... dans le même style, un peu. Ouais, jeu de rôle aventure, en quelque sorte. Ok. Est-ce que vous aimeriez rajouter des petites choses sur la GameCube, des souvenirs que vous avez, des pépites méconnues que vous aimeriez recommander ? Bah disons moi vraiment les souvenirs de la GameCube, en fait j'avais testé chez un ami qui m'a justement fait découvrir le Resident Evil 0, enfin le Resident Evil le premier plutôt, le Rebirth, et qui justement m'a mis une claque parce que visuellement on était vraiment largement au-dessus de ce qui se faisait ailleurs en fait. Carrément. C'est ce qu'on peut noter d'ailleurs souvent quand on va prendre un jeu qui est sorti sur PS2 à l'époque et sur GameCube, il était souvent un peu plus léché sur GameCube. Ouais, carrément. Je peux prendre l'exemple d'un FPS comme Time Splitters. Oui. Le 3 notamment, ou le 2. Sur GameCube, c'est le... Il y a 2 et 3, je crois. Pas le 1. Non, il n'y a pas le 1, ça, c'est sûr. Et du coup, ils étaient beaucoup... Enfin, ils sont aujourd'hui beaucoup plus recherchés sur GameCube parce qu'ils sont plus fluides, ils sont mieux détaillés au niveau graphisme que sur PS2. Il y a les Splinter Cell qui étaient carrément plus jolis aussi sur GameCube. Carrément. Quelle console. Et autre curiosité de la console qu'on n'a pas citée, c'est le format aussi des jeux sur ces espèces de mini-CD. Toujours peur de les perdre. Comment ? Toujours peur de les perdre, ces trucs. Ouais, c'est clair. Mais hyper résistant, je trouve. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un jeu GameCube qui m'a lâché à cause de rayures ou autre. Non, moi non plus. Non plus. En temps, je suis soigneux. Mais même la console résistante, moi, elle est déjà tombée de table basse, enfin du meuble sans problème, quoi. Alors, ça va peut-être te faire mal au cœur, mais je suis tombé sur une vidéo il y a de ça quelques années. C'est des mecs qui font du lancer de poids avec des GameCube. Ah putain. Je vois à ta tête que t'as déjà vu cette vidéo. Ouais, j'ai déjà vu. Bon, ça fait un peu mal au cœur. Ah oui, mais je crois qu'ils en prennent des HS pour faire ça. Mais tu te rends compte que les mecs, ils balancent des GameCube à des. Je sais pas combien de mètres d'eux et la console, elle casse jamais. Bah, ça va être le clapet qui va lâcher. Le clapet de. Ouais, mais c'est, mais ça, mais c'est Nintendo. Hein, la Switch, c'est pareil. Moi, j'ai vu des vidéos, ils avaient lâché les Switch à 50 mètres de hauteur. Elle s'écrasait par terre. Alors, la manette était morte. Ouais. Mais le reste, impeccable. Ouais, après, je jetterais peut-être plus facilement une GameCube qu'une Switch. Hein, parce Non, mais pas vraiment. Ah, non, oui. Mais vraiment, j'étais bluffé. Moi, je pensais que ça allait aussi finir en. Non. Un petit POC, un bon POC sur la manette. Donc là, il faut la changer. Ouais. Par contre, le reste, l'écran nickel, l'autre manette impeccable et ça tournait tout seul. Ok. Nintendo. Fou. Quand t'as des enfants, t'es content après. Ouais, c'est clair. Ah, j'ai fait tomber mes NES. Ah bah attends. Est-ce qu'on a fait le tour de la GameCube ? Oui. À mon niveau, oui. Hein. Ouais, ok. Aussi. Donc tout à l'heure, tu nous citais deux consoles. De mémoire, t'as cité la PlayStation 1 et. La Super NES. Et la Super NES. Avec laquelle est-ce que vous souhaitez attaquer ? Loïc, est-ce qu'il y en a une des deux qui t'évoque plus de choses ou... Ouais. Plus la PlayStation 1, moi je suis revenu à la Super NES, j'ai vu après. Enfin, eh ben on en parlera tout à l'heure de la SNES. On commence par la PlayStation 1. Tu nous présentes un petit peu la console, Fabien ? Alors oui, c'est une console qui est très connue, hein, évidemment, parce qu'elle a été énormément vendue. Sortie en 95, je crois, avec un line-up assez réduit, avec quelques jeux comme des Tekken, comment c'était, jeux de voiture déjà ? Grand Turismo ? Sur PS1 ? Non, Grand Turismo c'était plus tard. Non, il y avait un jeu Ridge Racer. Ah oui, après t'as eu les drivers aussi. C'est plus tard ça, ouais. Et pourquoi, enfin, c'est une console qui a un peu marqué les esprits, parce que c'est là aussi la première console de Sony. Ouais. Qui a un peu tu peux peut-être d'ailleurs raconter dans quel contexte elle est sortie, non ? Pour faire un petit point historique, parce ouais, que mais l'histoire là, de la sortie de la PlayStation est quand même... C'était le pied de nez avec Nintendo, c'est ça ? Ouais, en gros, à la base, Nintendo travaillait avec Sony pour la sortie d'une console qui aurait un lecteur de CD et pas un lecteur de cartouche, qui s'appellerait la Nintendo PlayStation. Finalement, Nintendo a préféré se rabattre vers un autre constructeur qui donnera, quelques années plus tard, la GameCube Panasonic, si je me trompe pas. Panasonic, exact. Finalement, le projet de console avec Panasonic à l'époque, c'est même pas fait. Et PlayStation a dit, bah voilà, nous on a engagé des coûts de développement sur une console avec un lecteur CD. Du coup, on va sortir notre PlayStation. Quoi. Donc en fait, si Nintendo avait pas lâché Sony, aujourd'hui, les consoles PlayStation n'existeraient peut-être pas. Quoi. Enfin, moi je trouve ça fou de me dire que c'est juste un conflit de boîte qui fait que on a ce nouvel acteur qui arrive sur le marché. Bref, je t'ai un petit peu coupé, t'étais en train de présenter un petit peu la console. Oui, c'est ça, alors du coup, évidemment, c'était un petit peu un outsider à cette époque-là, et on peut voir que par la suite, évidemment, Sony est resté bien implanté. Mais il avait déjà mis des bonnes bases au départ, parce que justement, parti sur une console 3D, même si aujourd'hui la plupart des jeux PlayStation 1 sont assez difficiles à... Ouais, on mal vieilli. On mal vieilli, parce que les polygones, il y en avait très peu, etc. Mais il reste quand même toujours quelques titres qui ont leur charme. Malgré le fait du passage à la 3D ou certains qui sont en 2D qui étaient encore un petit peu entre les générations, celle d'avant et celle-ci, et qui sont encore faciles à appréhender aujourd'hui. Ouais. Mais dans ce que tu as dit, il y a un truc qui est important, c'est la notion de 3D, c'est-à-dire que c'est la console qui s'est vendue comme la console de la 3D à l'époque. Ouais. C'était vraiment le parti pris de Sony. Et Sony, en arrivant sur le marché, avait pour objectif de toucher un public qui ne jouait pas jusque-là aux jeux vidéo. C'est-à-dire que jusque-là, quand on regarde notamment les publicités de Nintendo et de Sega à l'époque, c'est très orienté quand même enfants, gamers, etc. Et Sony, quand ils arrivent, et c'est pour ça qu'un des jeux de lancement, c'est Wipeout. Oui. C'est que l'objectif, c'est de rendre la console cool et que tout le monde joue à cette console. Et d'ailleurs, en Europe, leur stratégie d'implantation sur le territoire, ça a été de faire des campagnes de com dans les boîtes de nuit londoniennes, en installant des consoles dans les boîtes de nuit pour montrer que c'est un objet cool. Et c'est pour ça que la BO de Wipeout, c'est de la house et des trucs dans le genre. Ils ont invité des DJ populaires de l'époque et tout. Enfin, c'est quand même une histoire de fou. Toi, Loïc, c'est une console à laquelle tu as joué la PlayStation ou pas trop ? La PlayStation, je suis arrivé tout à la fin, en fait. Moi, j'ai acheté une PS1 et je l'ai revendue même pas un an après pour acheter la PS2, quoi. J'ai cité la PS2, j'aurais dû plutôt dire la Game Gear. Okay. J'ai commencé avec une Game Gear, mes parents voulaient pas que j'ai de console sur télé, ils avaient peur que ça abîme la télé. Ok. Moi j'ai eu un ordi, donc j'ai fait beaucoup de jeux sur ordi. Après, je suis mis vite en couple, j'habitais vite avec ma femme. Et en fait, ma femme a dit jamais d'ordi à la maison parce que j'ai envie d'avoir une vie de couple, ce que je comprends. Et en fait, du coup, par contre, tu peux acheter une console. Donc là, j'ai acheté une PS1. Mais c'était tout à la fin de la PS1, donc ouais. En fait, j'en ai profité 6 mois, 1 an, et après PS2. Quoi. Donc c'était la PS1 dans la version un peu miniaturisée. Ouais, c'est là la PS1. La petite grise, là. La PS1. Ouais, là, ouais. C'était la PlayStation, là c'est vraiment la PS1. Après, j'ai beaucoup joué chez les potes aussi, qui avaient la PlayStation, et on s'éclatait bien avec des jeux d'hélicoptère, je me souviens, je sais plus comment ils s'appelaient, où tu devais... la moitié de la police avec un hélicoptère, tu devais tirer sur des gens. C'est pas du Nuclear Strike, un truc comme ça, ou Desert Strike? Ouais, non, c'était pas un truc de l'armée, c'était vraiment une ville futuriste, et tu te baladais avec un hélicoptère un peu futuriste, et tu faisais les tours comme ça entre les immeubles, et tu devais arrêter les bandits. Celui-ci, je l'ai pas du tout, tu vois. C'est du Future Cop, LAPD, un truc comme ça? Ouais, peut-être un truc. Non, c'était un méca, ça, par contre. Je sais plus ce que c'était, je sais plus le nom, mais c'était vraiment très bien fait, j'aimais bien le truc. C'était beau. Et du coup, on va faire le même exercice que sur la GameCube. Vous préférez commencer par parler de la console en soi ou des jeux? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement sur cette console? Si, hein, chose importante à noter, c'est qu'en début de génération, c'est une console sans joystick. Oui. Et vu que Nintendo sort sa 64 avec un joystick, voilà. Sur la deuxième période de la PS1, la console voit arriver des manettes avec joystick. Quoi. La DualShock est née. Exactement. Sans les vibrations. Si, okay. Il y avait, en fait, dès qu'il y a eu les sticks analogiques, ils ont mis les vibrations avec, on pouvait activer, désactiver, ouais, il y avait un bouton central. Le bouton analogue, c'est ça? Ouais. Oh, ça devait être ça. Ouais, ouais, je crois. Des jeux qui vous ont marqué, là on va faire le même exercice que tout à l'heure. Si je vous dis PlayStation 1, vous pensez à un jeu, lequel? Allez, toi, dis-moi Final Fantasy VII, là je te connais par cœur. Comment ça? Ah si, bah, je venais dessus là, Final Fantasy VII, même si j'ai découvert sur une autre plateforme. Ah oui? Moi j'ai joué sur PC. D'accord. Mais oui, FF7 évidemment. Mais du coup c'est le jeu que tu retiens quand même de la console, quoi. Bah si j'en avais un populaire à dire, ce serait celui-là, ouais. Ouais. Même si j'en ai plein d'autres en tête, je pourrais dire Gran Turismo, dans un tout autre style qui m'a marqué pour ses graphismes, par exemple. Allez, parle-nous là du jeu qui t'a le plus marqué sur la PlayStation 1, du coup. Tu me laisses un petit peu réfléchir. Ouais, ok. Loïc, t'as quelque chose en tête? Moi, j'en ai deux qui viennent en tête sur la PlayStation 1. J'ai un NHL, un des derniers NHL où on pouvait voir par-dessus. Et tu nous cites que des trucs pas communs, ça, mais ça ouais, fait mais plaisir. Mais parce que moi, je suis pas fan de RPG. Je suis toujours pareil. Hein, j'ai toujours avec des petits jeux comme ça rapides. Et Tony Hawk 4, qui m'avait vachement frustré parce qu'il était sorti sur PS1 et sur PS2. Et sur PS2, il était sorti beaucoup plus joli. Moi, j'avais avec la PS1, donc j'avais joué là-dessus. Exact. Mais par contre, okay. Il était vraiment énorme. J'ai fini tous les gaps avec sur celui-là. Je suis au bout. Ok. C'est cool d'entendre parler un petit peu d'autre chose, ça change. Parce c'est que clair. Sur PS1, on s'attend à ce qu'on nous cite FF7, Spyro, Crash, ce genre de choses. Tomb Raider. Ouais, exactement, ouais, carrément. Du coup, de quel jeu est-ce que tu as envie de me parler là, Fabien? Eh bien, je vais parler de Metal Gear Solid. Ok, le premier? Ah oui, ouais. C'est le seul, oui, oui. Qui c'est le seul sur, de la PS1. Ouais, le 2, c'est sur la 2, ouais. Exact. Donc un jeu voilà, très populaire aussi, qui a marqué sa génération par le style, par le gameplay, le côté infiltration qui était assez peu commun à l'époque en jeu vidéo. Et l'aspect narratif du jeu aussi. L'aspect narratif, un peu mature, etc. Donc ça rejoint un petit peu l'identité que voulait marquer Sony avec sa console, côté un peu plus pour, entre guillemets, pour adultes, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des sujets assez, assez lourds, assez graves, finalement. Et puis, il y avait ce côté vraiment au niveau gameplay qui était un peu poussé, par exemple, l'utilisation d'une seconde manette. Non, c'est même pas ça. Il fallait débrancher sa manette, etc., pour combattre un certain boss. Il y avait des petites astuces qui utilisaient comme ça le matériel pour un petit peu tromper. Chose qu'ils avaient déjà un petit peu fait par le passé avec le premier Metal Gear qui était sorti sur MSX, je crois. Ouais. Je crois. Les deux premiers sur MSX, ouais. Et il y avait déjà un truc où tu devais. Je sais plus ce que tu devais faire, mais Kojima a toujours aimé ce truc de jouer avec l'appareil console en soi. Oui. Pour faire des petites choses. Ok, donc Metal Gear, toi, c'est le jeu que tu retiens un petit peu sur la console, celui qui t'a marqué un peu sur cette génération. C'est celui qui m'a un peu surpris, vraiment pour le côté, voilà, le côté gameplay, filtration, etc., que j'avais jamais trop appréhendé avant. Et côté un peu innovant du gameplay, de l'histoire, etc., et les petites subtilités avec le matériel. Là, dans les commentaires, il y a Spyro qui est cité, la trilogie. Il y a aussi Tekken 3. Oui. Énorme aussi, celui-là. Et là, ça parle du combat contre Psycho Mantis. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus, je crois qu'il fallait brancher la manette 1 sur le port numéro 2 ou je sais pas quoi pour qu'il puisse plus lire les pensées, ouais. Plus anticiper les attaques, etc. Je suis un petit peu les commentaires en même temps, c'est pour ça. C'est pas un manque d'attention pour vous. Du coup, j'ai pas réfléchi parce que moi, la PS1, c'est pas une console qui à l'époque m'a plus marqué que ça parce que. Je ne l'avais pas, tout simplement. Je l'ai acheté des années plus tard. Alors, j'ai quelques souvenirs de sessions de jeu chez des copains sur la PS1. Donc, si je dois en citer un, c'est celui auquel je jouais chez mes potes quand j'étais gamin, qui est Crash Team Racing, en fait. Très bon jeu. Ouais, très, très cool. Qui a bien vieilli et qui a eu le droit, d'ailleurs, à sa petite réédition là, sur les dernières consoles. Son petit remake, ouais. Très bon concurrent à Mario Kart, qu'on a cité tout à l'heure. Avec, notamment, moi, ce que je trouvais chouette, c'était les différents modes de jeu. C'est-à-dire qu'il y avait le mode de jeu où tu faisais des courses de cartes comme dans Mario Kart, etc. Mais aussi des modes un peu arène, tu vois, où tu pouvais t'affronter, balancer des caisses aux autres. Un petit peu sur l'équivalent du mode ballon et compagnie dans Mario Kart. Ouais. On pouvait jouer à 4, ouais. Par contre, maintenant que j'y pense, il n'y avait pas ces modes-là à l'époque de Mario Kart 64. Quel mode battle? Ouais, les modes battle et si, tout. Si, si. Enfin, il y avait déjà sur Super NES en fait. Gros, ah oui, c'est vrai. Ils sont sortis. En gros, j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est eux qui ont eu cette idée? Mais en fait, non, ils ont pas forcément. Non, non. Mais ouais, moi, c'est un jeu qui m'a grave plu. Après, je vais pas en parler non plus des heures, parce que classique, quoi. Ouais, le principe, jeu de cartes, des courses. Si vous aimez Mario Kart, Crash Team Racing, ça marche très bien. Avec du recul, il y a d'autres jeux qui me plaisent plus que ça, mais c'est celui qui m'a vraiment un peu marqué à l'époque parce que c'était les sessions de jeu chez mes voisins, en fait, tout simplement. Même exercice que tout à l'heure. Du coup, trois jeux que vous devez retenir. Je suppose que vous allez citer le jeu que vous m'avez donné. Du coup, deux autres, ce serait plutôt pas mal. Bah, moi, je voudrais dire Tekken 3, enfin, ouais. C'était tout à l'heure, c'était vraiment pareil. Hein. On peut passer des heures chez des potes à se foutre sur la gueule. Et je sais plus si le premier PS je l'ai eu sur PS2 ou si je l'ai eu sur PS1, je sais plus. Mais je crois que c'est sur PS2, je me souviens de la boîte. Non, la boîte est plus grande. C'est ouais. Quoi, c'est ISS qui doit sur. Bah après, il y en a eu hein, sur PS1 de mémoire. Quoique sur PS1, les jeux de foot, c'était la mode, notamment dans la deuxième phase de vie de la console. C'est quand il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu plein de jeux. France 98 et compagnie. Ouais, les trucs dans le genre, ça a cartonné. FIFA 98. FIFA 97 avec Gino là-dessus. Ouais, mais il y a eu plein de trucs. Il y avait des trucs qui s'appelaient aussi Coupe du Monde. Oui, enfin, Roger Le Maire aussi. Plein de choses. Et plein de déchets aussi derrière. Donc Tekken 3 et. Moi, je suis plus PS2 après, c'est pour ça. Mais Après, t'es pas obligé d'en donner d'autres. Hein, non, après, NHL, là, je sais plus quelle année c'était. Ouais. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Donc, Fabien. Mais ça va être trop dur. je peux en citer 10. Bah ouais, je rigole. J'ai été obligé de choisir sur GameCube. Donc Alors dans ce cas-là, moi je vais rajouter Silent Hill. Ok. Que j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur dans mon cœur, le meilleur de la série. Le premier. Celui de la PS1. Ouais. Ouais. Alors souvent, les gens disent celui de la PS2. Et moi, vraiment, le premier m'a beaucoup marqué pour plein de choses. Bon, je vais pas le citer maintenant, mais c'est un très bon jeu. Qui a un peu vieilli quand même graphiquement, mais qui se fait toujours très bien. Et en deuxième, enfin en troisième titre, parce que du coup, si on compte MGS dedans, ça va être dur, mais je vais devoir le citer, hein, encore en RPG, désolé. Suikoden 2. Ok. Tu nous en as parlé dans le podcast de l'année dernière. Exactement, ouais. Donc, tu peux nous en parler rapidement, mais on invitera les gens à aller écouter le podcast. Le titre, c'était, je crois, le troisième ou quatrième numéro qui s'appelait « Mais quel est donc ce jeu, si je ne me trompe pas ?» Et le sujet, c'était un petit peu les pépites méconnues. Oui, c'était ça, ouais. Ouais. Donc, Suikoden 2, gros RPG. Voilà, RPG japonais. Quasi introuvable maintenant. Cher. Très cher. Malheureusement. Et c'est dommage qu'il ne réédite pas, ça favoriserait justement le fait de le connaître. Donc, RPG 2D, qui a du coup bien vieilli, parce que 2D... Et donc RPG traditionnel au combat au tour par tour, avec une grande histoire, très long, des personnages pour la plupart charismatiques, et nombreux, parce que c'est un peu la quête des 108 étoiles du destin, donc il y a 108 personnages, dont une partie peut être jouable, pas tous. Parce que et là, certains n'ont pas de capacité de combat, c'est tout des cuistots, ce genre de trucs, donc ils vont aider à créer un grand lieu, une forteresse de résistance. Là, dans les commentaires, il y a Jonathan qui nous cite, pour ces trois jeux, Spyro, Siphon Filter 3. Ah, le 3, ok. Ouais. Et le jeu Hercule. Ah oui, ok. Ouais. Très bon jeu aussi en 2D, une belle 2D qui a bien vieilli. Du coup, moi, pour choisir 3 jeux, ça va pas être évident, comme c'est pas forcément ma console de cœur, mais il y a quand même pas mal de jeux que j'aime bien. Du coup, j'ai cité Crash Team Racing, je citerai bien Medieval aussi. Ouais. Medieval et... Et pour en trouver un troisième, en fait il y a beaucoup de jeux sur cette console. Ouais. Moi je trouve que c'est toujours compliqué sur ces consoles où il y a une énorme quantité de jeux. Qu'est-ce que je citerais en troisième? Comment ça s'appelle? L'Odyssée d'Abe. Oddworld, voilà. Et ben voilà, très en fait, très bon jeu. Moi, ce que j'aime bien sur cette console, c'est que t'as quand même pas mal de jeux plateforme, ça peut être 2D ou 3D, mais avec des ambiances très sombres, chose qu'on retrouvait un petit peu moins chez Nintendo. Et c'est pour ça que des trucs type Medieval, Oddworld et compagnie, je trouve ça pas mal. Pour moi, c'est un peu les successeurs de... C'est un autre style, hein, mais des ambiances un peu obscures et tout qu'on pouvait avoir sur la génération précédente dans Ghouls and Ghosts, par exemple. Tu vois. Ah oui, ok. Dans le côté, c'est des jeux de plateforme, mais pas hyper colorés, fun, etc. Mais plutôt sur des trucs un peu plus adultes, entre guillemets. Ouais. Donc voilà. Après, moi, pour tout avouer, avec du recul, là, aujourd'hui, c'est pas forcément une console que je retiens énormément. Parce que j'aime pas trop la manette, pour tout vous avouer. Je la trouve vraiment pas confort. Esthétiquement, je trouve que les jeux ils ont pas hyper bien vieilli et je vais sur cette génération là je vais plus facilement ressortir une Nintendo 64, tu vois, même les concurrentes côté Sega, tu vois, ouais, qui là clairement sont au dessus je pense. Si tu prends la Saturn, voilà, avec les Panzer Dragoon et tout, visuellement on est quand même sur un truc qui claque un peu plus, je trouve. Bah, même si je trouve que la Saturn, au niveau des graphismes, en fait, j'aime moins bien la 3D. Par contre, Excel sur la 2D. Ouais, mais il y a eu beaucoup de jeux 2D sur cette console-là. Sur la console. Mm. Et après, ouais, dans les jeux que par contre je vais bien aimer, ça va être principalement du platformer. Et globalement, je trouve que la PS1 a pas mal brillé sur tout ce qui était jeux de combat. Ouais. C'est quand même la belle époque des. On citait tout à l'heure Tekken. Ravel Schools. Ouais, voilà. Soul Calibur aussi, non, les premiers. Ouais, Soul Calibur, exactement. C'est très bon aussi. C'est quand même une console qui a pas mal brillé pour ça. Et étant donné que ce qui était mis en avant, c'était le côté 3D, il y a assez peu de jeux 2D. Et en fait, moi, sur cette génération, j'aime beaucoup les jeux 2D des premières consoles 3D, généralement. Ah oui, ok. Ouais. Très bien pour la PS1. Est-ce que vous voulez parler un peu plus longuement? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir pu dire quelque chose sur la PlayStation 1? Ah bah à part des jeux supplémentaires... Allez, fais-toi un kiff, tu nous en cites 2-3 là. Je sens que ça te démange. Ouais, bah je vais parler de 2-3 jeux. Alors, toujours un petit peu jeu de rôle, mais un petit peu hybride. Je vais parler de Vagrant Story. Ah oui. C'est un jeu très difficile, mais aussi vraiment sympa au niveau de l'ambiance, vraiment sympa au niveau de l'histoire, qui est un petit peu inspiré des lieux historiques français. Alors pour un jeu japonais, c'est pas commun. Je peux parler de quoi d'autre? En jeu 2D, je peux parler d'Alundra, qui sort d'une sorte de Zelda. Graphisme 2D, des énigmes un petit peu retard. Vraiment quelque chose de sympa à découvrir. Le 2 est vraiment pas terrible du tout, donc, mais le premier vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, je parlais d'un jeu de voiture. Allez. Ok. Qui m'a marqué à l'époque. Gran Turismo, non? Même pas. Un jeu plus arcade et plus à la Wipeout, en fait, c'est Roll Cage. Ok. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être dû citer Wipeout, mais comme on en a parlé dans l'introduction de la console, mais très bon jeu. Quoi. Et ouais, Le 3 est très bien. 3, c'est bien sur... Le 3, c'est sur PS1, ouais. Ouais, c'est aussi sur PS1. Ouais. Il n'a pas été réédité sur PS2 aussi? Je crois qu'il y a eu un Wipeout Collection. Non, c'est sur PS3. Omega Collection. Ouais, ouais. C'est ça. Sur PS3, effectivement. Ouais, ouais. Et donc, le Roll Cage, c'est un petit peu dans le même esprit. Il y a eu un deuxième épisode aussi que j'ai découvert. Pareil, chez un copain, ce jeu très arcade, la voiture. C'est comme une voiture télécommandée de l'époque. T'avais des grosses roues, tu pouvais te renverser. Donc, tu avais vraiment des circuits assez sympas où tu pouvais vraiment rouler sur les parois, sur les côtés, sur le plafond, etc. Et donc, avec des bonus à récolter, tu pouvais péter des éléments du décor. En fait, c'était un petit peu l'avant. On a retrouvé des jeux un peu dans les esprits comme ça plus tard, avec des split seconds sur PS3, etc. Carrément. On pouvait péter des éléments du décor. Et plus récemment, il y avait un jeu sur PS4 qui est sorti, qui s'appelle Grip, qui est un hommage en fait à Roll Cage 1 et 2 de l'époque sur PS1 et sur PC d'ailleurs. Loïc, tout à l'heure, tu nous as cité du coup la GameCube, et la deuxième console que tu as citée, c'était... J'ai dit PS2, mais je vais revenir dessus, je peux vous dire Game Gear. Ouais. Ouais. Je crois que Fabien aime bien la Game Gear aussi, non? Pas plus que ça, plus en que fait. Ça. C'est très gourmand en pile, alors j'ai pas trop assisté. Ouais. Mais ouais, je veux bien que tu nous parles un petit peu de la Game Gear. Alors moi, la Game Gear, c'est ma première console que j'ai achetée. Ok. À l'époque, j'ai payé 1090 francs. 1090, aujourd'hui, ça ferait quoi? 160 euros, quoi. J'ai mis toutes mes économies dedans. Ouais. À l'époque, c'est énorme. La Game Boy à côté, je crois, était à 600 ou 700 euros, je crois, à côté. Francs, pardon. Ah, parce que 700 euros. Non, c'est 600, 700 francs, je crois, à côté. Enfin, c'était un gouffre. Hein. Et c'est vrai que pour du pile, c'était pas fou. Mais par contre, moi, j'avais un petit transfo à la maison pour brancher dessus, donc pas de problème. Et c'est ma première console, donc j'ai passé des heures et des heures à jouer à des jeux débiles tels que NBA Jam ou des Sonic, je les ai tous aussi mangés, du Colum, ça a pu savoir qu'en faire, enfin j'ai passé énormément de temps dessus. Fabien, c'est une console à laquelle t'as joué, toi, la Game Gear, ou très peu? Alors très peu, parce qu'on me l'avait prêté une fois ou deux en me disant fais attention aux piles, sinon tu vas payer cher. Tu vois, je pensais que tu aurais plus joué, parce que je sais que globalement t'aimes bien quand même les consoles Sega. Oui, j'aime bien les consoles Sega, mais en fait les consoles portables, je me suis mis vraiment vraiment tard. Je me suis acheté ma première console, c'était une DS Lite. Ah oui. 2006. Ah oui, d'accord. Autant dire, avant j'étais pas fan, parce que je trouvais que c'était contraignant, les écrans pas très bien éclairés. T'es pas un vrai, toi. Non, mais je suis pas un vrai de la console portable, ouais. C'est nous qui sommes pas des vrais, parce que... J'ai toutes quasiment à la maison, ouais. J'adore les consoles portables. Bah, moi, la Game Gear, ça a fait un peu comme la PS1, c'est-à-dire que je crois que la première fois que j'ai joué à la Game Gear, ça devait être il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Donc je devais avoir 20 ans la première fois que j'ai joué à la Game Gear. Et par contre, très chouette console, quoi. L'écran, c'est quand même autre chose que celle de la Game Boy. Écran couleur, déjà. Couleur, ouais. Rétro-éclairé. Ouais. Jouer la nuit. Par contre, tu vois, maintenant que j'y pense, il y a pas mal de jeux que j'ai bien aimés, mais je me suis pas pris de grosses claques. Est-ce qu'il y a un jeu dont t'aimerais parler en particulier sur cette console, ou... Ah, le premier jeu que j'ai fait. C'est quelque chose qu'on a peut-être pas dit, désolé de te couper, c'est que déjà la Game Gear, c'est la première console portable de Sega. De Sega, ouais. Donc, c'était le concurrent de Nintendo dans les années 80, début 90, on va dire. C'est ça. Mais clairement, le grand gagnant de l'époque, Nintendo, quoi. Game Boy large. Là, tu vois, je regardais des études sur l'histoire du marché des consoles portables. Et Nintendo, depuis sa création, ça a toujours été à peu près 90% du marché. Ouais. Peu importe qui était en face, ça a un petit peu varié quand il y a eu un moment la PSP, etc. Mais globalement, on était toujours à peu près à 90%. Donc, c'était juste pour recontextualiser. Du coup, tu allais nous parler d'un jeu en particulier. Bah, mon premier jeu que j'ai fini de ma vie, ça s'appelait un Donald. Ok. Une sorte de jeu de plateforme, là, un truc Donald. J'ai passé je sais pas combien de temps j'ai passé dessus pour le finir. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, déjà chez moi à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais déjà du speedrun. Parce qu'en fait, j'ai joué, après, une fois l'heure finie, j'ai continué à le refaire, à le refaire, à le refaire, pour essayer de faire le plus vite possible. Ouais. Et je me chronométrais à moitié dessus. Je commence à telle heure, je vois quelle heure je finis, et essayer de passer faire mieux les fois suivantes. Je connaissais par cœur, en fait. Je me finissais en une demi-heure, je crois, le jeu, après, à la fin. Et c'est vrai que les années 80, c'est la grande époque des adaptations de BD, de films, d'univers de dessins animés. Bah, ils s'adressaient beaucoup aux enfants, donc ils ont fait des jeux. Souvent réussis d'ailleurs, les jeux Disney de l'époque étaient top. Ah bah, le Royaume était top. Hein, Le jeu Donald, en fait, c'était pas Quackshot en... Non, c'est pas Quackshot. Il faudrait que je regarde sur internet pour trouver le nom. Mais, je peux faire une petite recherche si tu veux. La pochette, je sais qu'il y a un ours avec un truc de miel derrière Donald. Jeu Donald sur Game Gear. J'ai plus le nom en tête, mais... C'est juste Donald Duck, en fait. Voilà, Donald Duck. Tout simple. Okay. Tout simple, un des premiers. Alors, je crois qu'en fonction des pays, il a un nom un petit peu différent. Là, je lis The Lucky Dime Capper, starring Donald Duck, tu vois. Ouais. Mais, c'est ça, avec un ours sur la pochette. Ça, après, moi, je sais que j'ai joué à Tasmania aussi. Ouais, carrément. Il y a aussi le petit jeu, comment il s'appelait, avec la petite capsule, Pepsi, là. C'était pas Pepsi, non, c'était Spot. Cool Spot. Cool Spot. Qui était top aussi. Ouais. Super jeu. Super jeu avec sa façon de marcher. Alors, là, toujours à la cool. En fait, c'est beaucoup de jeux qui sont sortis à la fois sur la Game Gear et sur Master System en même temps. Ouais, et même certains qui sont sortis aussi sur Mega Drive. Oui. Bah, Cool Spot, c'est le cas. Hein. Ouais. Et dire que c'est un jeu publicitaire à la base. Ouais, c'est un jeu publicitaire. C'est de la pub. Mais à l'époque, il y avait plein de jeux publicitaires. On foutait. Il y avait des jeux McDo et compagnie. Ouais, il y en avait plein. C'était bien. T'as joué Michael Jackson aussi qui a sorti un jeu. Michael Jackson, The Night, je sais pas quoi là. Ah non, c'est. Il y a un jeu qui t'a un peu marqué toi sur cette console, Fabien ou... Honnêtement, j'ai joué à très peu de jeux. J'en ai récupéré une de Game Gear qu'il y a peu de temps. Ça fait moins d'un an, j'en ai une. Avec quelques jeux, je dois avoir du Columns effectivement. Ah, Columns, j'ai un Sonic, hein, c'est un classique. Je dois avoir du. James Bond. Oui, tout à fait. Voilà, mais j'ai pas vraiment joué en fait encore. Le seul jeu que j'ai joué vraiment quand j'étais plus petit, c'était Sonic. Donc c'est le seul, donc j'ai pas vraiment joué autre. Trop bien. Et il faut noter aussi que c'est une console qui était. Les jeux n'avaient pas de sauvegarde. Ouais. Quand tu voulais jouer à Sonic, tu jouais pendant 4 heures. Moi je me souviens d'avoir descendu la console dans le salon pour pouvoir mettre sur pause, manger mes parents et retourner dessus tranquille. Alors déjà qu'elle a des problèmes de piles, mais en plus, tu la laisses tourner à vide. Je faisais chier mes parents avec mon câble qui traînait dans la maison. Ouais. Moi, il y a quand même un jeu que j'avais bien aimé sur la console, c'était Shinobi. Oui. Shinobi qui était très très cool sur la Game Gear. Le premier ? Sur Game Gear, ça doit être le 2. Hein. Le 2 ? Je crois que c'était le 2 auquel j'ai joué. The Revenge of Shinobi. Ouais. Et du coup, jeu de plateforme action, quoi. Très très efficace. Très efficace. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils aient pas essayé de refaire... Tu as même en téléchargement, mais un petit revival de ça, parce que c'est quand même une grosse licence de l'époque, quoi. Clairement, ouais. Ouais. T'aimerais bien nous parler d'autres jeux ou... Ouais, je dois t'avouer que je peux pas énormément parler de la console, parce que clairement. Après, j'avais l'adaptateur aussi. Game Boy, tu peux aussi avoir l'adaptateur Master System. Ça, j'ai joué Master System sur tout ça, j'avais ça. Et ça, j'ai joué à Terminator. D'ac. Et un autre jeu de Ninja. Alors, je sais pas si c'est les premiers Ninja Gaiden ou un truc comme ça. Où c'était en vue dessus, en 2D, et tu devais envoyer des petits Nunchaku dessus. C'était hyper dur à avancer, où normalement tu prenais cher. Quoi. Mais là, c'est assez fou, parce qu'en fait, quasi tous les jeux que tu cites, j'y ai joué, j'ai kiffé. Ouais. Mais tu vois, le simple fait d'avoir découvert ça plus tard, c'est pas la même chose que de te prendre la claque à l'époque. Ah bah non, par exemple, je sais que j'ai un sacré stock de consoles à la maison. Des fois, on ressort des vieilles consoles, on joue au jeu et on se dit. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'achetais ça et t'avais que ça en fait. Et si ça te plaisait pas, c'était tant pis. Mais tu kiffais quand même. Une claque monumentale, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu dis, ah ouais, quand même. Ça va venir, celui-là, ma vieille. Ça vous va pour la Game Gear ? Très bien. Donc, toi, je suppose que tu voulais parler de la Super Nintendo. Un peu plus. Et, ouais. Et pendant ce temps, moi, je vais réfléchir à la prochaine console que. Parce que vous en avez déjà choisi. Deux. Ouais. Après, j'en avais une en commun avec toi. Mais du coup, je vais commencer à cogiter pour la suite. Yes. Donc, tu voulais qu'on parle un petit peu de la Super Nintendo. Voilà, moi, c'est ma console, ma première console à moi, quand j'étais petit. Hein, je l'ai eue en 92. Ça remonte avec le mythique Super Mario World. Ouais, grand jeu, coup, voilà, grand jeu. Qui était dans le bundle. Très bon jeu. À Noël 92. Et. Et du coup, c'est un jeu que j'ai poncé, je trouvais qu'il était très long pour l'époque, parce que quand on pensait arriver à la fin, il y avait encore des niveaux supplémentaires, la fameuse Star Road, des niveaux sur une map en forme d'étoile, il y a des niveaux super difficiles. Donc c'est un jeu qui m'a beaucoup maintenu en haleine, et finalement je suis resté très longtemps avec un seul jeu, avant qu'on m'en prête d'autres. Alors j'ai eu de la chance d'avoir des bons jeux qu'on m'a prêté dès le début, hein, des références comme Starwing, qui est donc l'ancêtre de Star Fox, enfin, le premier épisode. D'un côté, t'as dit, j'ai de la chance d'avoir eu que des bons jeux. Est-ce que c'est pas une console où il y a quasi que des bons jeux? Ouais, c'est vrai que les plus populaires sont également souvent les meilleurs. Bah, c'est surtout qu'à l'époque, il y avait le fameux Nintendo Seal of Quality, tu vois. Ouais. Qui avait commencé avec la NES, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, ouais. Et du coup, on pouvait pas non plus sortir n'importe quoi sur la console, quoi. Oui, c'est vrai. Donc il y avait un certain niveau d'exigence requis, on va dire, pour avoir droit à son jeu sur la Super Nintendo. Donc ouais, toi, c'est Super Mario World, du coup. C'est mon premier jeu. Ouais. Qui, du coup, moi j'avais eu l'occasion de jouer à la NES avant. Je voyais vraiment le gap technique qui était présent, avec le balayage qui était beaucoup moins bordélique, parce que sur la NES à l'époque, en France notamment, il y avait déjà un taux de rafraîchissement relativement faible, ce qui fait que c'était assez chiant à jouer, tout était plus lent, etc. Et quand j'ai vu la Super NES, je me suis dit, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sympa à jouer, en tout cas pour ce qui est d'une console française, une console européenne. Ouais. Et j'ai découvert plein de jeux comme ça, vraiment, vraiment chouettes, du Mario Kart avec le mode 7, qui aujourd'hui peut piquer un peu les yeux, mais à l'époque, c'était vraiment un truc de dingue, qu'on retrouvait dans d'autres jeux comme F-Zero, etc. C'était vraiment des titres marquants qui symbolisaient aussi le début de grandes licences du Mario Kart. Aujourd'hui, il y en a encore. Du F-Zero, malheureusement, il n'y en a plus, mais il y a eu quelques épisodes plutôt sympas. Donkey Kong, Country, ouais. qui utilisaient les puces Silicon Graphics. Donc, on arrivait vraiment sur des aspects visuels hyper léchés. Puis c'est aussi, je vais encore revenir sur mes RPG, mais c'était le début de bonnes licences, malheureusement pas souvent en Europe, mais il y a quand même eu quelques titres. Si je te cite Secret of Mana, je pense que je te fais vibrer. On en parlera tout à l'heure. Voilà, et on peut citer aussi un Zelda Link to the Past très très beau visuellement, qui encore aujourd'hui, on peut y jouer sans problème, c'est très très très très très, très, très jouable et très joli. En fait, c'est pour ça que je suis content qu'on parle de cette console, puisque pour moi, des consoles... rétro, on va dire, parce que c'est toujours difficile de placer le curseur. Celle-ci, on est sûr que c'est dedans, tu vois. On sait pas jusqu'où ça va, c'est-à-dire que certains vont te dire que maintenant la Wii c'est de la rétro, tu vois. Ouais, ouais. La Wii, mine de rien, la console elle a 16 ans, quoi. Ouais, mine de rien. Donc en fait, pour nous, c'est une console récente, mais pour un ado qui a 16 ans, c'est un vieux truc, quoi. C'est. Il est né avec. Là maintenant, je croise des jeunes à la médiathèque, pour eux, la Wii U, c'est la console de leur jeunesse, tu vois. Mais pour moi, c'est la console qui, esthétiquement, a le mieux vieilli, tu vois. C'est, on faisait une 2D qui était exceptionnelle. Les jeux étaient quand même colorés, les musiques étaient trop chouettes et tout. Enfin, la console, elle a trop, trop bien vieilli. Et surtout, des jeux de dingue. D'abord, je vais donner la parole un petit peu à Loïc, et ensuite, moi, je vais citer... un jeu qui m'a particulièrement marqué sur la console. Sur la Super NES Ouais, alors c'est pas forcément un jeu, NES, peut-être le rapport que t'as à la console. Et si c'est une console que j'ai récupérée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Ça fait 6-7 ans que j'ai à la maison. Ah oui, donc pour toi, la SNES, c'est la Game Gear pour moi, quoi. Ouais, voilà. Ouais. après, c'est aussi les débuts des Street Fighter aussi. Street Fighter 2, quoi. Street Fighter 2, il y a Tortue Ninja. Oui. Qui est très, très dur. Et voilà, mais après, moi je sais que moi, à mon époque, j'avais une Game Boy, donc. Ok. Je vais te parler des. Je crois qu'on va avoir envie de parler de toutes les consoles, tu vois. Bah oui, normal. Ah, mais là, on va dériver, hein, c'est sûr. Toi, tu me parles des Zelda sur Super NES, moi à l'époque, je jouais sur Game Boy, quoi. Donc, ouais. Il y a un très bon jeu Zelda sur Game Boy. Il est très très bon sur Game Boy. Qui a été réédité sur Link's Awakening. Ouais. Oui. C'est mon deuxième Zelda préféré. C'est mon deuxième Zelda préféré. Ouais. Moi, le rapport que j'ai à Super Nintendo, en fait, c'est en vrai, c'est la console de mon enfance, dans le sens où moi, quand j'étais tout petit, moi, j'ai grandi en voyant mes parents jouer à la NES et à la Super Nintendo. Et notamment, la première console avec laquelle je jouais vraiment, c'était la Super Nintendo. Donc, j'ai des photos de moi qui, 5 ans, avec une Super Nintendo entre les mains. Et notamment, à l'époque, le premier jeu auquel je jouais, alors c'est pas le jeu qui m'a le plus marqué, mais c'est Street Fighter 2, quoi. Donc en fait, à 5-6 ans, je jouais à Street Fighter 2. Au calme. Et mes parents aimaient pas trop, mais de temps en temps, ils me laissaient quand même un petit peu jouer à Mortal Kombat aussi, tu vois. Et par contre, le jeu le plus marquant, tu l'as cité tout à l'heure, et j'en ai déjà, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Tout à l'heure, on parlera d'autres jeux quand on citera 3 jeux à retenir sur la console. Pour moi, c'est Secret of Mana, pour 2 raisons. C'est-à-dire que quand je vous dis que je voyais mes parents jouer dans le salon quand j'étais tout petit, bah, en fait, je les voyais jouer surtout à Secret of Mana. Parce que Street Fighter, je les voyais jouer, mais je jouais aussi. Secret of Mana, à 5 ans, c'est pas un jeu pour toi, donc juste je regardais. Et notamment, j'ai souvenir de ces phases où on se déplace sur la carte avec le dragon et tout. Enfin, c'est. Ah oui, sur la fin. Mode 7. Mais j'ai ces images qui sont gravées dans la tête. Et le jour où j'ai enfin pu y jouer, je me suis rendu compte que, mais en fait, mes parents jouaient vraiment à des jeux de ouf. Tu vois, c'est ce jeu, il est exceptionnel. C'est absolument incroyable. Donc pour moi, c'est ça le jeu le plus marquant. Après, la console en soi, là aussi, on est sur une console qui se joue à 4 joueurs. Parce qu'à l'époque, en face, il y avait la Mega Drive. Oui. Quoique si, elle se joue aussi à 4. En fait, il y a 2 ports manettes de base, mais tu avais des... Ah oui, tu avais des cartouches où tu pouvais mettre... Ouais, je crois que c'était ça. Ah non, sur Mega Drive, tu avais carrément, il y avait des jeux où il y avait 2 ports cartouches supplémentaires, comme une micro-machine. Ouais. Ouais, c'est un exemple. Mais là, de base... T'avais les 4 ports. Non, pas sur Super NES. Hein. Non, Super NES avec 2. T'en avais que 2. Mais tu pouvais trouver du matériel pour passer en 4 joueurs. Hein. Ah, mais oui, mais t'as raison en fait. T'as raison. Ouais. Mais en fait, j'ai souvenir de console avec plein de manettes connectées. Du coup. Mais oui, t'as raison, c'est uniquement 2 manettes dessus. Oui. La possibilité de mettre le Super Game Boy aussi pour jouer au jeu Game Boy. Oui. Sur la console. T'avais des jeux un peu plus jolis en fait ouais. Avec ça. T'avais une sorte de un petit peu de couleur en fait, une sorte de sépia. Ça allait un peu plus loin que sur Game Boy classique. Et surtout, et là, ça va faire la transition avec les jeux qu'on va citer, mais un catalogue de jeux qui est quand même exceptionnel pour. Je vais même pas dire pour l'époque, puisque c'est encore vrai, c'est un catalogue de jeux exceptionnel. Si vous deviez me citer du coup 2-3 jeux là comme ça qui sortent du lot sur la console pour vous, Loïc. Mario Kart. Ouais, donc Super Mario Kart, ouais. Qui est toujours joué en tournoi. Qui est toujours aussi bon. Alors tu vois, ça fait partie des seuls jeux, en fait les jeux de tentative de 3D sur la Super Nintendo, je trouve ça trop mal vieilli, tu vois. Ah oui, ça a mal vieilli. Genre Super Mario Kart, Star Wing, c'est pareil, tu vois, ça a trop mal vieilli. Ouais. Et ça, j'ai un peu de mal, tu vois. Alors je comprends que le jeu était ouf à l'époque, mais aujourd'hui, ouais, tu vois, j'ai trop du mal. Ça reste quand même une référence. Okay. C'est le premier. Donc Super Mario Kart. Et après Street Fighter pour les ouais. Petites pensées pour mes voisins. Ils étaient à fond sur toutes les touches. Moi, je prenais Honda là, le sumo et j'appuyais sur le, je sais plus quel bouton. Il faisait que ça avec ses mains. Ouais. Horrible. Et tu te butais dans un coin, tu bloquais, tu faisais que ça. T'attendais juste que le gars il se mette devant et c'était fini. C'est clair. Voilà. Je peux vous faire chez mes voisins. C'est marré. Un petit troisième ou. Non, c'est surtout ces deux-là. Ouais, après, c'est vraiment ces deux-là. Après, comme j'ai pas eu. Fabien, du coup, tu nous as dit Super Mario World tout à l'heure. Oui, qui m'a marqué parce que le premier jeu. Allez, je te laisse quand même en citer 3 pour te faire plaisir. Parce que c'est peut-être pas un des 3 que tu retiendrais, quoi, malgré le fait que c'est. Si, peut-être. On va dire que non, comme ça, je peux en citer 3 d'autres. Ok, vas-y. Je vais sortir du Super Castlevania 4. Ok. Qui était du coup mon deuxième jeu. Qu'on m'avait prêté et bah, là j'avais été surpris parce que bah, t'as vu le prix qu'il coûte aujourd'hui, j'espère que tu l'as gardé quoi. Non, je l'ai racheté il y a quelques années et je l'ai quand même payé un petit peu hein. Ouais. Ouais, mais effectivement ouais, très très bon jeu, assez difficile mais pas non plus invisible, un thème un peu mature etc, côté un petit peu sombre et voilà, c'était le début, enfin c'était dans les débuts d'une série marquante du jeu vidéo de Konami. Et qu'est-ce que je peux citer d'autre? Je peux citer aussi Sparkster. Alors c'est un jeu plutôt niché, pas très connu, mais c'est du jeu de que j'ai que tu as et moi aussi. Jeu de plateforme, et sympa, très dynamique. On, on sent un petit peu une influence Sonic dans le jeu. Et même, tu vois, ne serait-ce que les couleurs de la boîte, tu as les toutes bleues et tout. Mais d'ailleurs, c'est pas un jeu... C'est le deuxième épisode d'une série. Non, mais je suis en train de réfléchir, qui a développé... Sparkster. Ça doit être Konami, non? Je crois que c'est Konami, ouais. Ok, ok. Donc très bon jeu, je le cite surtout parce que bon, il m'a marqué et il manque, enfin il est un peu méconnu je trouve. Il est jamais cité. Ouais. Il est jamais cité alors que effectivement super très, très beau, chouette. Super belle 2D. Ouais, bah c'est bien que tu l'aies cité comme ça, j'aurais pas besoin de le citer. Alors, en vrai, je sais pas si je l'aurais mis dans les trois, tu vois. Ouais. Mais et du coup ton petit troisième. Bah, le troisième en fait, je l'ai découvert un peu plus tard sur, sur l'émulation parce que c'est un jeu qui n'est pas sorti en France. Ok. À l'époque, c'est Chrono Trigger. Ah oui, ok, je pensais que t'allais me citer autre chose. Non, non, c'est celui-là, donc c'est mon RPG favori. Hein ? Je pensais que t'avais parlé de Mother. Ah oui, donc Earthbound. Earthbound, non, non. Ouais. Non, non, non, c'est un jeu que j'ai pas tant que ça accroché finalement. Okay. Earthbound, mais plutôt, voilà, ce titre-là, Chrono Trigger, très très bon jeu, qui est sorti pour la première fois en Europe sur DS. Il coûte une blinde, donc pour en profiter, c'est un peu compliqué sans passer par l'émulation aujourd'hui, quoi. Mais c'est un super jeu. Ouais. Du coup, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir parce que, comme je disais, catalogue de fou, donc choisir trois jeux, c'est pas évident. Mais c'est peut-être une des rares consoles Nintendo où les jeux qui m'ont le plus marqué sont pas forcément des jeux Nintendo, tu vois. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, quand je te parle de la GameCube, je crois que j'ai cité tout à l'heure que des jeux Nintendo. Oui. Si je devais faire la même chose sur Switch, sur Wii, etc., ce serait peut-être le cas. Mais là... Forcément, je suis obligé de le citer. T'en as parlé tout à l'heure, Street Fighter 2. Obligé, en fait. Ouais. Obligé, un, parce que bah, c'est le premier auquel je jouais. Et c'est surtout, c'est le jeu que tu vas hyper facilement ressortir pour faire des parties avec les copains et tout. Facile d'accès, mais en même temps très compliqué quand tu commences à rentrer dans les trucs de touche. En fait, c'est une vraie réussite technique parce que, comme tu le dis, aussi accessible que exigeant. Ouais. C'est-à-dire que si t'as vraiment envie de très bien y jouer, c'est un jeu qui est quand même exigeant. Par contre, n'importe qui peut prendre la manette et se marrer sur le jeu. Et clairement, il impose un peu les bases de ce qu'on va avoir ensuite pendant des années dans le versus fighting, quoi. Ouais, clairement. La version turbo, évidemment. Oui. Ah oui, oui, bien oui, sûr. Street Fighter 2 Turbo, la base. Les autres jeux, qu'est-ce que je citerais ? Bah, on a déjà parlé de Secret of Mana, donc je ne vais pas en parler, ce qui me laisse la place pour d'autres jeux. Eh ben, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais moi je mettrais. Alors, il a un nom différent en fonction des pays, mais Ghouls and Ghosts, Ghost and Goblin. Jeu de plateforme, je suis très jeu de plateforme. Très dur. Très très dur, hyper exigeant, mais un vrai régal en fait. C'est, le jeu est vraiment, vraiment incroyable. Et en troisième jeu, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Eh ben, trop dur de choisir. Trop dur de choisir. T'hésites sur quoi, du coup ? Bah, en fait, j'aimerais bien sortir un truc que les gens connaissent pas trop, parce qu'il y a des jeux auxquels j'ai énormément joué sur la console. Par exemple, moi, j'ai énormément joué au Tetris et Dr. Mario, tu vois. Ouais, il est pas forcément très connu non plus. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est quand même hyper connu. Qu'est-ce que je pourrais citer ? Comment ça s'appelle ? Tu vois, c'est un jeu où t'as des pièces Solomon's Key. Ah, ok. Qui est rarement cité aussi. Et en fait, le prince... Non, c'est pas Solstice. Ah, je confonds peut-être. Solstice, non. Solstice, c'était là, en gros, c'est des... chaque salle, c'est une espèce d'énigme. Il faut essayer de comprendre comment récupérer la clé pour passer dans la pièce suivante, etc. Là aussi, où on a un point de vue qui donne presque l'impression que le jeu serait en 3D, c'est pas du tout de la 3D, hein, c'est de la 2D, mais... C'est isométrique un peu, c'est pas ça ? De mémoire, je crois que oui. En fait, j'ai pas joué depuis des années, mais je me souviens que c'est un jeu que j'avais adoré, tu vois. Ouais. Très très chouette. Mais effectivement, moi j'aurais pu clairement citer Sparkster. Jeu qui est sorti des années après, tu vois, le truc avec les petits diables qui balancent des cartes là... En fait, c'était un jeu qui était terminé et qui est sorti uniquement en carte mode. Ah oui, mais là, c'est un jeu qui est plus récent. Bah, en fait, non, il est d'époque. C'est juste que le jeu était fini à l'époque. Ah oui. Il n'est pas sorti et... Nightmare quelque chose. Nightmare Buster. Busters, ouais. Et ben voilà. C'est le dernier jeu que je cite, Nightmare Buster. Pas facile non plus. En gros, c'est un platformer hyper exigeant où tu joues des espèces de farfadets qui balancent des cartes. Donc c'est presque à mi-chemin entre le jeu de plateforme et les rail shooters, tu vois, presque. Dans le sens où tu es tout le temps en train de canarder, ouais, tu vois. Il y a un petit côté un petit peu comme ça. Le jeu est assez exigeant, assez complexe. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que le jeu, à l'époque, a été terminé. Il n'est pas sorti. Et du coup, les mecs ont attendu que... il n'y ait plus d'histoire d'ayant droit, etc. Ils ont balancé la ROM sur Internet. Et aujourd'hui, on peut y jouer soit en émulation, soit en carte mode directement. Donc, vous pouvez sans problème y jouer en émulation. C'est totalement légal, vu qu'il n'a pas été édité physiquement, officiellement. Voilà. Et du coup, je n'ai pas pris le temps de réfléchir à la prochaine console. Est-ce que ça vous dirait de parler de la génération Game Boy ? Ouais, vas-y. Pourquoi pas, mais je suis pas un spécialiste. Non, du tout. Sinon on peut parler d'autre chose. Hein. Ou est-ce qu'on n'irait pas sur quelque chose qui sortirait totalement des consoles et visiblement vous jouez tous les deux sur PC ? Oui. Ouais. Je jouais. Moi je jouais pareil. Eh ben, alors l'intitulé ça va être les consoles, mais ça va être intéressant qu'on parle de PC. Ah, les PC c'était à l'époque c'était une console aussi. Hein, ouais carrément. Tous les jeux sortaient dessus. Hein. Du coup, vous, le PC, quel rapport vous avez à cette plateforme qui peut être une plateforme de jeu ? Ouais, Loïc, vas-y, ouais, commence. Moi, le PC, c'est mes années 95-2000, quasiment. C'était mon passe-temps, quoi. Passer ma vie dessus. Donc, avec plein de jeux. Je commençais par Wolfenstein 3D, Doom 2. Alors là, les gens qui nous suivent en live voient les signes d'approbation, les oui de la tête, ouais, oui, notamment de Fabien. Mais du coup, je le précise parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter en audio ensuite sur Spotify et compagnie. Donc ouais, je commençais par ça, les Wolfenstein 3D, les Doom 2 après j'étais jusqu'à Quake. OK. Ça c'est sur les FPS. Il y a ouais, donc t'es très FPS quoi. Bah sur l'ordi en fait, moi j'ai appris à jouer au FPS avec souris, clavier. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est comme quand je suis passé sur console et j'ai abandonné parce que j'arrivais pas en fait. Et t'y arrives toujours pas ou... Ah non, mais j'ai arrêté en fait, j'ai même pas essayé, j'ai essayé 3-4 jeux. Et comme vous dites, comme ça, j'arrive pas en fait. Ça, c'est et, pas... et d'ailleurs, petite question, c'est est-ce que tu joues toujours sur PC ? Non, je joue plus sur PC. Plus du non, tout. Non, donc pour toi, c'est vraiment la période années 90, quoi. Ouais, voilà. Il y a ça, donc il y a tous les FPS aussi avec. J'en cite un dernier parce que c'était vraiment. J'avais adoré. Fais-toi plaisir. C'est Soldier of Fortune. Très bon okay. jeu, ouais. Très bon jeu. Et c'est le premier où tu pouvais commencer à tirer sur les différentes parties du corps. Ok. J'ai pas du tout joué. C'était assez jouissif de pouvoir faire souffrir des gens comme ça bêtement. Et après, il y a tous les jeux LucasArts. Ok. Bien sûr. Et notamment Dave of Tentacle, qui est un de mes meilleurs jeux de ma vie. Ouais. Qui est d'une complexité aussi. Quand je me souviens, tu fais plaisir à ton voisin là. C'était mon oncle qui avait 30 ans qui m'avait payé ça en disant j'arrive pas au bout, essaye. Et je suis allé au bout, j'étais trop fier de moi. Et c'est vraiment. Trop bien. C'est vraiment super jeu. Et je l'ai racheté après sur la PS4, tellement il était vraiment bien. Et c'est toujours aussi bon à jouer. Quoi. Ça arrive Full Throttle. Quoi. Pareil, hein, LucasArts, où tu joues un biker qui essaie de savoir pourquoi est-ce que le producteur de moto doit fermer son usine. Enfin, c'était génial ces jeux. Et après les jeux de sport, quoi, toujours pareil. Moi, je traite jeux de sport. Après, c'était NHL 94, okay. Un des meilleurs jeux. Alors, c'est pareil. Alors, ça, moi, j'aime bien parce qu'en fait, c'est des saisons où il y a 80 matchs. Les matchs durent, tu peux jouer une heure sur un match et du coup ça peut durer, mais pendant des années à jouer juste avec un seul jeu et très bon, même ambiance musicale et tout, ça se rapprochait de ce qui se faisait en NHL, donc c'était vraiment, moi j'aimais bien, voilà. Trop bien. C'est marrant, j'ai pas le même rapport au jeu NHL. Pour moi c'est le jeu de baston. Alors tu peux faire la baston, mais moi j'aime bien, moi j'aime bien le côté sportif, donc voilà. Et puis le dernier FIFA 97 aussi où tu peux jouer en salle, très drôle en petit terrain là, c'était le premier jeu en salle. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça cette année, mais ouais. C'était bien foutu. Mais moche, le jeu est moche en vrai, c'est pas joli, mais c'était marrant. Pour c'est l'époque, c'était top. C'est marrant que tu cites le 97, parce que souvent les gens ils parlent du 98 ou 99 ou au-delà, mais. Ah non, mais c'était celui avec la pochette avec Ginola. Il était en avance sur son temps. Ah non, c'est celui qui était sorti avant la Coupe du Monde 98, parce que moi j'avais simulé la Coupe du Monde 98 après chez moi. J'avais fait gagner la France. Ah. Et, mais par contre, non, c'était le 97, parce que c'est celui avec la couverture avec Ginola, je me souviens très bien. Et il y avait les deux modes de jeu, en terrain normal et en terrain. Et c'était bien, parce que du coup, t'avais le jeu complet, t'avais pas de mise à jour après derrière de réévaluation du jeu, c'était vachement bien. Fabien, toi, ton rapport au PC ? Alors, je fais juste un aparté avec l'Amiga. Okay. Pourquoi ? Parce que c'était ma première plateforme que j'ai pu enfin, c'est avec ça que j'ai appréhendé le jeu vidéo. J'avais un ami qui avait un Amiga, j'ai découvert plus tard que c'était un Amiga et pas un PC ou peu importe. Et des jeux très avec beaux la cassette. Ouais. Ah c'est ça, j'avais aussi un voisin qui avait ça avec une cassette. C'est oh, je joue aux jeux vidéo. Ouais, attends une demi-heure. On charge la cassette. Ah oh, putain. Ouais, c'était assez long, mais bon, pas autant qu'un Commodore 64, ce genre de truc. Mais bon, c'était mon premier rapport au micro-ordinateur en définitive et un PC en fait. Moi, j'ai grandi dans le milieu des tours d'ordinateur ouais. Désossés. C'est donc ça. Mon premier jeu c'était en 92, 93 quand même. Donc, quasiment en même temps que la Super NES. En définitive, j'ai pu tester des jeux comme Doom. Ouais. Effectivement, je commençais avec du Doom, du Wolfenstein 3D, ce genre de trucs. Surtout du FPS, effectivement, à l'époque où vraiment on avait ce côté graphisme, fluidité qui était assez peu trouvable ailleurs, en définitive. Et même avec des codes triches à aller chercher sur les magazines. Avec des codes triches, quoi. Ouais, et des clips, et des hameaux, tout ça, ça reste. Tu vois, moi, ouais. Ça fait 30 ans, ça reste, c'est resté, quoi. C'est clair, c'est une autre époque. Hein. Les big box qu'on trouve en magasin, dans les ouais. rayons, quoi. C'était ouais. des grosses boîtes, et des manuels de dingue. La grosse boîte de Tomb Raider. En fait, oui, c'est ça. Puis même à l'époque, c'était presque des éditions collector, ouais. sans dire que c'était une édition. Sans savoir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait des petits goodies. Tu pouvais aller dans les magasins, du coup, dans les. Dans les bars tabac, j'étais ton magazine de jeux vidéo et dedans t'avais ton 3-4C de ouais, démos ouais. et tu avais plein de jeux, tu pouvais essayer. Tu pouvais tester ouais. des trucs. C'est vraiment top, c'est une autre époque. Quoi. Maintenant tu peux plus trop faire ça maintenant. Quoi. C'est, ouais. Parfois il y avait des jeux complets. Hein. On achetait le magazine 100 francs, on avait un jeu dedans. Bah, bam, tu prends le magazine, bam, t'as Diablo avec. Ah bah carrément. En fait t'achetais le jeu. Ouais t'achetais le jeu, mais le jeu 100 francs le magazine. Il y avait plein de jeux aussi derrière. C'était cher le magazine quoi. Ouais, mais c'était pas cher pour le jeu en fait. Oui, c'est clair. Tu trouvais pas la boîte. Puis tu pouvais trouver plein de jeux après derrière aussi d'occasion qui te coûtaient ouais. 10 balles quoi. Alors qui était très bon, mais qui, enfin, à l'époque, le casque coûtait rien. Quoi. Plus trop possible avec les clés d'activation. Mais... Bah, c'est ça, en fait, tu pouvais prêter tes ouais. jeux. Tu vois. Moi, je faisais plein de jeux, c'est mes voisins ou mes cousins qui m'ont prêté. Tiens, installe le jeu. Donc, tu prenais le CD, tu installais, et tu rendais le CD, et t'avais ouais. le jeu, en fait. C'était une autre époque. Quoi. Et Fabien, tu joues encore du coup sur PC ou plus du tout ? Bah, déjà, je suis sur Mac, donc je suis passé du côté obscur ouais. pour le boulot. Mais sinon, ça m'arrive de jouer un petit peu des fois, c'est assez rare en fait. J'ai quelques jeux en démat que j'ai eu pour pas grand chose sur GOG, etc. Ça peut m'arriver d'y jouer, mais c'est franchement rare. Moi, je fais ma journée de boulot déjà sur un ordi. Le soir, j'ai envie de changer de truc d'univers. D'endroit quoi. Il y a aussi tout ce qui est jeux de gestion, c'est SimCity 2000. Ouais. Theme Hospital aussi que j'ai fait beaucoup. Theme Hospital, ouais. Qui avait un super truc, moi j'aimais bien, c'est que tu pouvais pareil, un code triche. Tu veux appuyer sur plusieurs touches en même temps. Et quand tu trichais, il y avait une petite voix derrière, la voix de l'hôpital qui disait attention, le directeur triche. Attention, le directeur triche. Et tu voyais ton échange d'argent qui augmentait. T'avais la petite dame qui parlait. Je trouve ça mignon en fait. Je trouve ça marrant d'avoir fait ça. Un petit truc pour les gens qui trichaient quoi. Eh ben moi de mon côté pour le PC c'est un petit peu différent de vous parce que déjà il y a alors pas en termes d'âge pur mais en termes de génération jeux vidéo quoi, on a une petite génération d'écart entre vous et moi, c'est-à-dire que en gros j'ai 8 à 10 ans de différence avec vous, donc moi clairement mes premières expériences ça va pas être les premiers FPS en fait, ça va être d'autres FPS un petit peu plus tard. Du New Game quoi. Ouais, c'est même un petit peu après, c'est-à-dire que en fait, moi, le vrai truc qui m'a mis sur l'ordi, c'est les salles de réseau avec Counter-Strike. Ouais, bah c'est là que j'ai arrêté. Ouais, donc moi, c'est là que je commence. Alors, on avait déjà, nous, un ordi à la maison depuis pas mal de temps, sauf que nous, on pouvait pas trop jouer dessus. Après, c'était plutôt sur le navigateur, sur des petits jeux flash et tout. Ouais. Moi, je me suis pris à fond... toute la période où il y avait tous les sites de flash, tu pouvais faire plein de petits jeux, tu vois, sur T45OL, Miniclip et compagnie, tu vois, tous ces trucs-là. Mais sinon, ouais, dans les vrais jeux vidéo, on va dire, ça va plutôt être. Ouais, moi, la grosse claque de l'époque, ça a été Counter-Strike en salle de réseau. À côté de ça, à la maison, c'était Tomb Raider 1. Et vous parliez tout à l'heure de LucasArts. Moi, c'était à peu près au moment de la sortie de Star Wars 1, donc dans la chronologie, le quatrième qui est sorti, La Menace Fantôme. Et du coup, ils avaient sorti deux jeux, le jeu où tu refaisais l'histoire du film et un jeu de course de pod racer. Ouais. Et du coup, moi, ça, c'est deux jeux qui tournaient beaucoup à la maison sur ordi. Donc, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé sur PC. Et ensuite, j'ai eu une grosse pause. Et je me suis remis au jeu sur ordi avec Dofus des années plus tard. où j'ai poncé le jeu à fond pendant des mois, à tel point que j'ai fait une overdose, tu vois, j'ai arrêté genre au bout de 5 mois parce que je faisais plus que ça. Tu plaisantes. Et par contre, alors que j'ai pas du coup un gros passif sur PC, aujourd'hui c'est avec la Switch la plateforme sur laquelle je joue presque le plus, tu vois. Notamment, moi ce qui m'intéresse à fond aujourd'hui, c'est la scène de jeux indé sur PC. Tous les petits jeux indés, donc j'en ai cité quelques-uns la semaine dernière dans le podcast sur les jeux auxquels je joue en ce moment. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait Paper Please, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et après, moi, je me laisse souvent tenter quand même par les gros phénomènes du moment, au moins pour tester. Alors, certains, je vais rester dessus. Ça a été le cas au moment de la sortie de Fortnite. Clairement, moi, je suis resté pendant 2 ans sur le jeu. Et après, je vais tester tous les trucs. Donc, j'ai testé Fall Guys et tout. Même si je me les prends pas, Fall Guys, j'y ai joué 3 fois, quoi. Ça m'a pas plus que ça. Mais je trouve qu'il y a un truc intéressant, je trouve, qui se passe sur PC. Aujourd'hui, on essaye pas mal de nouvelles choses. Après, moi, c'est le modèle économique actuel qui me parle beaucoup moins. Mais finalement, aujourd'hui, c'est devenu un de mes supports de jeu principaux, quoi. Alors qu'à la base, je viens pas du tout de cet univers. Du coup, on va faire le même exercice que pour le reste. Un jeu que vous retenez, là, s'il y en a un. Et après, vous m'en citerez 2-3 en plus. Je réfléchis, vas-y. Je vais citer Deus Ex. Ok. Lequel ? Le premier ? Ah, le premier, ouais. Ouais. Parce que voilà, à l'époque, quand j'ai découvert ça, je m'attendais à un FPS classique. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est clair. C'est beaucoup plus riche que ça. Pour toute l'enquête qui a mené derrière, pour le côté... Il y a un petit côté jeu de rôle aussi. Il y a un petit côté jeu de rôle avec gestion d'inventaire, avec gestion des points d'expérience. Il y avait un petit peu de ça, mais c'était un peu pas très développé. Mais... Il le développe plus dans les suites. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment dans toute la série, parce qu'il y en avait 4 en tout. C'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, que je trouve le plus riche aujourd'hui. Et tu le conseillerais encore aujourd'hui Ouais. Ouais. Ouais. Graphiquement, bon, déjà à l'époque c'était un petit peu cubique, c'était perfectible, mais on a toujours l'ambiance, et je me sens que j'avais été marqué par les musiques de ce jeu, d'Alexander Branden, qui avait fait des sons un peu électro, un petit peu à l'ancienne, etc. C'était vraiment très très chouette. Ça collait bien à l'ambiance un peu cybernétique, etc. Ouais. De l'épisode. Très très bon jeu. Trop bien. Toi Loïc ? Je vais garder Doom 2. Doom 2 ? Ouais, si je dois prendre un nouvel ordinateur. Quand tu fais l'ordinateur, tu me dis un jeu. Je vais mettre Doom 2 parce que je sais que je vais m'éclater pendant plusieurs heures. Clairement. Et du coup, de mon côté, un jeu PC que je retiendrai. En vrai, je pense que je citerai Dofus, tu vois. Ah ouais. Non, c'est pas que je considère que c'est le meilleur jeu, c'est-à-dire que si je devais recommander 3 jeux sur PC, c'est pas le jeu que je citerais. Mais ça a quand même été une baffe, tu vois, à l'époque. Et là, c'est pareil, on est sur ces jeux qui sont hyper accessibles, mais tu peux avoir un certain niveau d'exigence aussi dans le jeu. Moi, j'adore l'univers, ça me parle à fond. Le côté esthétique, un petit peu manga... créé par des Français en plus, c'est hyper cool. Et je trouve que c'est un jeu qui vieillit pas. C'est-à-dire que je l'ai relancé là, je m'y suis remis pendant un mois ou deux, il y a quelques mois. Et alors, je vais pas continuer pendant des années, mais ça a été un régal de me relancer dedans. Les musiques sont chouettes, l'univers est cool, les petits jeux de mots, les machins, les trucs. Enfin vraiment, c'est un jeu qui marche hyper bien. Et moi je trouve que la communauté Dofus, en plus aujourd'hui, est encore assez cool. Donc voilà. Et du coup, si vous deviez recommander là 3 jeux comme on l'a fait tout à l'heure. Juste pour une petite anecdote sur, ouais, Doom 2, j'en suis tellement fan que des fois j'entends des vieilles musiques des années 90 et les trucs qui reviennent en tête, c'est des maps de Doom. Ah ouais, ouais. Pour te dire un peu où j'en suis. Ah mais il y a des jeux. Des fois il y a des morceaux d'Alice Morissette j'entends une chanson d'Alice Morissette, ouais, et je vais te remettre la map sur laquelle j'étais en train de me prendre la tête, ouais, à l'époque. C'est pour te dire que c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment marqué, quoi. Ouais, qui t'a flashé la tête. Ah, tu vois, c'est. C'est vraiment top. Du coup, t'as envie de nous citer 3 jeux là, comme ça, que tu recommanderais 3 jeux. Doom 2, The Day of Tentacle. Ok. Qui est vraiment super bien. Day of the Tentacle. Sur 3, ouais, sur 3 périodes, des puzzles. Faut réfléchir. Sans solution, c'est chaud. Hein. Sans solution. Non, ouais, c'est chaud, mais tu sais, à l'époque, j'avais pas de solution, moi. Donc, je me suis fait 100. Ah, 100, ouais. Respect. Mais après, tu testes tout. Je veux dire. Ouais. Ouais. T'as 4 phrases en dessous, à chaque fois, tu testes des phrases. Tu dis, oh, t'es bon, ça marchait. Et un dernier sur PC, NHL 94. Parce que c'est pareil, j'ai passé centaines d'heures dessus pour arriver au bout. Les jeux de sport, toi, c'est vraiment ta cam. Moi, mais j'aime bien. En fait, moi, ce que j'aime bien aussi derrière, c'est toute la partie statistique. C'est d'avoir le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur machin. Je me prends la tête, en fait. C'est débile, hein. Mais moi, j'aime bien. C'est mon kiff. Ok, trop bien. Fabien. Je suis en guerre interne là. Je me dis qu'est-ce que je vais prendre. Tu veux que je commence ? Non, non, c'est bon, je peux le faire. Vas-y. Donc, il y avait Deus Ex. Je vais citer un jeu LucasArts, tiens, que j'ai beaucoup aimé. C'est Grim Fandango. Ok. Un des derniers point and click. Qui a été réédité sur Switch, je crois. Et sur Switch, certainement. Ils ont, fait un remake sur PS4. Qui a été offert, je crois, il y a quelques mois sur Epic. C'est probable. Je crois. Hein. Moi, j'ai fait le remake. Enfin, la réédition HD, plutôt. Et c'est toujours aussi sympa. Quitte à le découvrir, autant le découvrir comme ça. Carrément. D'ailleurs, tu peux même le switcher en version de 2000 ou la version de 2018, ouais. Vers là. Non, mais ça marche toujours, ces jeux, de toute façon. Pointé cliqué, ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Puis, c'est vrai, les jeux LucasArts, en général, ils ont une super ambiance. Ils ont une super ambiance, c'est réfléchi. T'as plein d'énigmes qui sont tordues aussi. C'est vraiment. L'histoire est intéressante. T'as une vraie histoire, t'as un truc derrière. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très bon jeu que je peux recommander aussi. J'en avais un autre que j'avais noté dans ma tête là, mais il m'a échappé. Donc, il faut qu'il revienne. Si, Fallout. Plutôt le 2. Ah bah oui. Plutôt le 2. Ouais. Oh, t'avais aussi Carmageddon. Oui. Très bon jeu. Deux sur deux courses. Fallout, je crois que tu nous en avais parlé. C'était dans un autre podcast. J'avais dû parler du 3 ou du 4, je pense. Ouais. Ou du 76. Eh bah, parle-nous rapidement de Fallout, du coup. Ouais, bah Fallout, moi j'ai découvert le 1 et le 2 sur PC, qui était que sur ce support-là, si je ne m'abuse, avec une vue un peu isométrique comme les premiers Diablo, avec vraiment le côté jeu de rôle, tour par tour, vraiment RPG occidental pour le coup, avec un univers post-apocalyptique qu'on aime ou qu'on n'aime pas le genre, si on aime bien en tout cas, c'est une référence à faire. Et pourquoi j'ai parlé du deuxième épisode ? Parce que le deuxième épisode était plus... plus poussé en termes de roleplay. On pouvait vraiment faire un personnage avec des statistiques spécifiques, et selon ce qu'on avait indiqué là, on pouvait vraiment faire des choses de dingue. Genre ouais. On mettait une stat à 1 en intelligence, le mec il pouvait même pas parler, c'était ouais. Et donc il pouvait rien faire, il pouvait pas interagir avec les gens, il fallait trouver une autre méthode. Parce que si tu mettais du charisme par exemple à fond, tu pouvais directement aller attaquer des bases ennemies, parce que tu pouvais comment dire, bluffer un peu, pas bluffer, mais tu pouvais voilà, tu pouvais vraiment raconter des cracks à n'importe qui, tu pouvais mettre les gens en guerre l'un envers l'autre, etc. Et tu foutais la merde en fait. Et ouais. Tu pouvais finir le jeu de cette manière, en filoutant un petit peu quoi. En marouflant un peu tout ça. Trop bien. Et puis, donc c'était le côté vraiment roleplay très poussé. Et après il y avait le côté un petit peu plus voilà, on pouvait tuer des enfants, enfin c'était un truc un peu atroce, tu vois. Mais c'était sérieux, parce que enfin c'était un truc qu'on pouvait faire. Parce ouais. que dans Fallout 3 par exemple, on peut pas tuer des enfants, ça paraît logique, mais ouais. mais non, évidemment mais c'est le côté en fait. On pouvait il y a ouais, la liberté, on pouvait vraiment aller loin dans le truc ouais. en se disant ok, tout est possible à l'époque. À l'époque, tu vois Carmageddon, ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, j'allais te demander, parce que j'avais pas entendu quel jeu t'avais cité. Ouais. Carmageddon. Ouais. Donc, ça, c'est un jeu qui a été interdit après. Mais alors, t'avais deux styles de façon. C'est un jeu de course, de bagnole. Le jeu, c'était de finir premier, et soit tu faisais la course, soit tu défonçais les autres, en fait. Ah, mais j'ai vu des vidéos dessus, je l'ai pas testé, mais j'ai vu des vidéos dessus assez, sur YouTube. Moi, j'aime bien parce que du coup, je faisais pas les courses. J'étais juste ouais. pour défoncer les autres. Exactement. Et écraser les passants pour gagner du temps. Et voilà, c'était juste les vaches aussi. Les vaches, pour écraser tout. De toute façon, tu peux tout faire. C'était crâne, hein, ça. Ouais. Enfin, maintenant, tu mettrais pas ça sur. C'est clair. Impossible. Mais à l'époque, ça se faisait et c'était du côté. Enfin, il fallait voir ça au second degré, du côté fun. Et puis voilà. Mais c'était. T'avais aussi Burnout dans les premiers. Non, comment ça s'appelait ? Des jeux de Crash Derby ou un truc comme ça. Où t'avais des bagnoles. Destruction Derby aussi. Ça, j'y ai pas joué non plus. C'est pareil. C'est des jeux où, en fait, le jeu, c'était de finir entier. Ouais. C'est des circuits en forme de 8. Donc en fait, t'étais là juste pour te rentrer dedans ouais. et tu devais essayer de finir. Ouais. C'était justif, c'était vraiment des trucs. Je me souviens, c'est pareil sur. Alors, c'est un peu plus tard que j'ai joué, c'était sur PS2, c'était Burnout 3. Ouais. C'est un jeu, j'ai fait ça quand je suis au chômage, j'ai pas eu longtemps ça, au chômage. Mais plutôt sur Xbox. Je finissais après, au bout d'une heure, j'étais énervé, j'ai tremblé de partout parce que tellement ouais. le jeu était prenant et que. Les effets étaient. C'était énervant quoi. Ouais. Mais dans le bon sens. J'ai pris mes petites notes parce que sinon ça allait me sortir de la tête. Moi j'ai noté Portal 2. Ah oui, bah oui. Qui ah, a été une baffe absolue quand j'y ai joué, et notamment à faire en coopération. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de Portal 2, c'est chaque salle, c'est en quelque sorte une énigme, et la mécanique de jeu, c'est que on a une espèce de d'arme qui permet de créer des portails. Et du coup, en coopération avec un autre joueur, on va chacun créer des portails qui va permettre d'activer des mécanismes, de faire passer des choses pour avancer de salle en salle. En fait, c'est un casse-tête, ce jeu, mais qui a la spécificité d'avoir des mécaniques de jeu type FPS, quoi. Ouais. Donc, exceptionnel. Je suppose que vous y avez joué, non ? Non, non, trop vieux. Bah, j'ai fait les deux. Que le 2 ? T'as pas fait les, j'ai fait les deux. Ah oui, les deux. Ouais. Ouais, bah, avec une préférence pour le 2, je suppose ? Ben ouais, c'est vrai qu'on est, c'est beaucoup plus riche, hein. On peut jouer déjà à deux, en coop. Moi je l'ai fait sur PS3. Ah oui. Il est assez chiant à trouver d'ailleurs sur PS3. Mais voilà, très très sympa à découvrir à deux joueurs. C'est vraiment le jeu coop, enfin c'est un des jeux coop les mieux pensés, je trouve, ouais. À ce jour, quoi. Le deuxième jeu que j'ai noté, c'est Counter-Strike Source. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure parce qu'en fait j'ai hésité à le citer à la place de Dofus. Counter-Strike Source, pourquoi ? Parce que déjà, bah, Counter-Strike... ça marche trop bien, quoi. Trop efficace. En salle de réseau, c'est le top. Et surtout que moi, ça m'évoque tout un tas de souvenirs. C'est notamment mon année de seconde où je mangeais en 10 minutes au self et je courais ensuite jusqu'à la salle de réseau avec mes potes pour faire une heure de réseau avant de retourner en cours de maths. Enfin, voilà. C'est un peu la grande époque. Et notamment, pour moi, c'était la découverte des salles de réseau. Moi, j'ai pas connu l'époque des LAN et tout. Et du coup, quand j'arrive soit dans des cybercafés, soit... Nous, à l'époque, on avait une boutique de jeux vidéo indé où, en fait, il y avait une arrière-boutique où c'était une dizaine de PC qui étaient en réseau. Tu viens avec tes copains. Je découvrais Steam à l'époque. C'est-à-dire que ça tournait sur Steam et tout, et moi, je connaissais pas. Bref, ça a été la révélation, quoi. Ça m'a ouvert à plein de nouveaux horizons dans le jeu vidéo. Et le dernier, alors qui n'a absolument rien à voir, c'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Please Don't Touch Anything. C'est un petit jeu à concept tout bête. En fait, c'est un écran avec comme une espèce d'écran de télé, un bouton, et c'est marqué Please Don't Touch the Button, quoi. Et voilà, juste t'attends. Et en fait, le principe du jeu, c'est que il y a à peu près une cinquantaine de fins de jeu à découvrir. Donc tu vas voir la fin du jeu, si tu appuies sur le bouton, bah, ça déclenche une explosion nucléaire. Ensuite, tu vas te rendre compte, putain, il y a une petite vis là, qu'est-ce qui se passe si je dévisse ? Et en dessous, tu découvres qu'il y a des codes. Et en fait, c'est une espèce de, là aussi, de... Je saurais même pas trop qualifier le jeu, tellement c'est un ovni, tu vois, c'est... C'est un petit peu, entre guillemets, un jeu d'enquête, c'est que tu dois chercher les petits trucs dans les décors. Tu vois, ça ferait presque escape game en quelque sorte, ouais, tu vois, game, ouais. Dans le sens où tu vas essayer d'aller trouver des trucs. Et en fait, tu vas essayer de prendre du plaisir à essayer de découvrir toutes les fins possibles du jeu. Alors ça va être t'appuies sur le bouton ou t'appuies 10 fois sur le bouton ou tu cherches autour, tu trouves un marteau et tu pètes l'écran. Enfin, il y a plein de possibilités, mais t'es juste sur un écran fixe. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des possibilités qui sont colossales, quoi. C'est vrai. Voilà pour le PC. Juste une petite remarque pour tous ceux qui se plaignent des jeux en réseau de pas avoir assez de vitesse. Il faut savoir que moi à l'époque, avec du 56K, ça passait tout seul. Mais en fait, c'est parce que les gens ils jouent en ligne, c'est-à-dire que nous, par exemple, là en extérieur, on a une LAN Minecraft. Ouais. En fait, on joue pas en ligne, on est sur un réseau qui est local et du coup, il y a. Mais moi, pas je joue en ligne. Avec du 56K. Ah oui, ok. Je jouais en ligne à Soldier Fortune avec des gens sur l'autre bout de la planète sur du 56K. Bah, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont hyper gourmands et qui sont optimisés pour des gens qui auraient la fibre. Ça a commencé comme ça, du 56K, bah, c'est ça. Et ça marchait. Mais parce que les jeux étaient développés pour que ça puisse tourner là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, c'est fait pour que ça puisse tourner sur des machines de guerre en Californie, tu vois. C'est un peu ça le problème. Alors, pour les consoles, on a parlé de l'aspect machine, manette, etc. On n'est pas revenu là-dessus sur... le PC, mais le PC a quand même une spécificité, c'est que globalement, on joue pas trop à la manette, on joue quand même plutôt au clavier-souris. Alors, pour moi, ça a des avantages et des inconvénients. On parlait des FPS, effectivement, la souris permet une précision qu'on n'a pas du tout avec la manette. Mais il n'empêche que si on prend le clavier, c'est pas un outil qui a été pensé pour ça à la base. Et en ça, moi, je trouve que c'est vraiment un contrôleur, tu vois, une manette qui mériterait d'évoluer. Dans le sens où je pense qu'on devrait faire des périphériques pour remplacer les claviers parce que en fait c'est pas si confort que ça. C'est-à-dire qu'on joue sur des touches qui sont ZQSD la plupart du temps. On va assigner nous-mêmes nos touches, etc. Je pense qu'en 2022, ça vaudrait le coup qu'on se questionne sur aujourd'hui comment on pourrait faire évoluer la maniabilité des jeux sur PC. Je pense en faisant des contrôleurs plus petits, avec des emplacements de boutons qui seraient optimisés pour les doigts, etc. Ça n'existe pas encore, les claviers gamers. Moi, j'ai eu des claviers comme ça coupés en deux pour que ce soit plus simple pour jouer. Enfin, c'est... Moi, je trouve que c'est pas encore. Alors, on en parlera si toi, peut-être tout à l'heure. Si t'as pris l'habitude de jouer avec des manettes, en fait, je pense que. Moi, j'ai grandi avec clavier souris. J'ai trop de mal à jouer avec une manette. Je pense que si t'as commencé avec une manette à jouer à Counter-Strike avec une manette, ouais. Comme ça. Bon, en fait, tu vas t'habituer assez rapidement là-dessus, et après passer sur le clavier souris, t'auras peut-être plus de mal aussi. Ouais, mais si ça se trouve, enfin, nous, c'est pas notre métier, mais ça se trouve, on pourrait, je sais pas, imaginer une manette qui, enfin, pas une manette, mais un truc qui remplacerait le clavier que tu mettrais dans ta main comme une souris, ouais, et où t'aurais des boutons tu vois, j'en sais rien, mais. Moi, je trouve que le clavier a quand même ses limites. Oui, c'est-à-dire clavier, que autant la souris sur les questions de précision, etc. Il faut avoir des grands doigts pour aller chercher toutes les touches. Ouais, enfin, moi, sur certains jeux, je me rends compte que c'est galère, tu vois. Ouais. Quand tu dois assigner des touches, mais dans des jeux où t'as plein de touches. Typiquement, je joue pas à League of Legends, mais je sais que sur League of Legends, il y a plein de touches. En fait, quand tu dois aller chercher une touche qui est éloignée du doigt, bah, pendant ce temps, tu retires ton doigt d'autre chose, quoi. Moi, je l'ai vu sur certains FPS, typiquement sur Fortnite, où t'as plein d'armes, donc pour switcher de l'une à l'autre, c'est galère, tu vois. Ouais, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait réinventer un peu le truc. Bah après, moi, c'est la limite que. Bah, je pense qu'aujourd'hui, les gens peuvent aussi aller sur les claviers mécaniques à configurer soi-même. Oui, bien sûr. Ça peut être une solution. Et effectivement, moi, ce que je faisais quand j'avais beaucoup de touches à configurer sur PC, c'est que je prenais. Enfin, j'avais acquis une souris avec des boutons programmables. Ouais. Ouais. Ce qui est pratique d'une certaine manière, mais effectivement, comme tu dis, quand on a plusieurs touches à appuyer assez rapidement, on se retrouve face au même problème. C'est clair. Deuxième chose qu'il y a à prendre en compte, là on a parlé des contrôleurs, mais il y a aussi la question de la machine en elle-même. Une console, c'est une machine qui est optimisée, qui est pensée totalement pour. Ouais. Le PC, c'est autre chose. C'est-à-dire que le PC, il nous sert à jouer, mais souvent il nous sert à d'autres choses. Et du coup, contrairement aux consoles, ça a quand même la spécificité. Alors, ça a des avantages, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer sa machine dans le temps. À condition qu'on soit sur une tour, on change des composants, etc. Quel rapport vous avez à cette machine ? Alors vous me dites qu'aujourd'hui vous jouez plus trop, donc vous êtes peut-être plus trop soucieux de ça, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous jouez plus dessus. Ah oui, voilà, pourquoi on a quitté cette plateforme, Loïc ? Moi j'ai quitté clairement, c'est parce que j'ai un côté un peu addict sur certains jeux et que... Ah oui. Donc c'est pas lié à la machine en elle-même. Non, c'est parce que moi sur certains jeux je vois pas le temps passer en fait. Ouais. C'est pour ça aussi que je me paye pas forcément sur des RPG et tout ça, parce que j'ai pas de notion du temps. Une fois que je commence à rentrer dans un jeu, j'ai aucune notion du temps. Donc si je peux passer 2 heures sur un jeu, et j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure que je suis dessus en fait. J'arrivais sur des Zelda d'arrêter à 2h du matin et en fait je me dis mince, c'est déjà 2 heures, mais ça fait 5 minutes que je joue en fait. Non, ça fait 3 heures que tu étais dessus. Et tu t'arrêtes bah parce qu'en fait t'es dedans quoi. Mais du coup je préfère. Pour ma vie de famille, je préfère ne pas commencer à mettre mon nez dedans. Et, je peux comprendre. Et voilà, c'est pour après, c'est un choix. Mais, Et dans ton cas, toi, Fabien, du coup, c'est plutôt la machine qui a fait qu'aujourd'hui, tu joues moins sur PC ? C'est clairement le pognon. Hein, parce que c'est d'upgrader sa machine, en tout cas, à l'époque où j'arrêtais de jouer sur PC en 2005-2006. Voilà. Ouais. C'était onéreux de changer sa carte graphique. Souvent, ça signifiait de changer la carte mère. Ouais. Tu changes la carte mère, mais tu changes aussi la RAM. Change le PC, quoi. Et du coup, c'est un gouffre, en fait. Je commençais à dépenser des sommes un peu trop importantes à mon goût. Alors, je me suis dit, je vais simplifier les choses, je vais prendre une console. Bah, souvent, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut jouer au tout dernier jeu, au top du top, en gros, il faut changer des pièces tous les 2-3 ans. Quoi. Ouais, moi, je me souviens à l'époque, mes parents avaient dû me mettre quasiment dans les 10 000 francs sur le PC. Parce que j'aurais dû jouer aux jeux vidéo et du coup, ils avaient fait un effort financier dessus. Mais. Voilà, c'est. Et 2 ans après, après, tu pouvais changer tous les trucs. Voilà. Tu pouvais plus faire tourner tes jeux parce que, non, c'est trop gourmand. Ouais. Ah, moi, là aussi, c'est une réserve que j'émettrais sur le PC. Alors, on peut aussi y voir quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire ouais, mais du coup, j'ai pas besoin de racheter une console quand il y a une nouvelle génération. C'est que j'ai ma tour et je la fais évoluer au gré de mes besoins. Ah ouais, mais après, c'est. Mais du coup, ça va être propre à un rapport qu'on a chacun à cette machine. Eh bien, trop bien. Là, je vois l'heure passer. Ce que je vous propose, c'est de terminer par une petite chose. On a parlé de consoles. On en a abordé quelques-unes. Je suis sûr qu'on aurait apprécié parler plein d'autres consoles. Je me doute que tu aurais aimé parler de la PlayStation 2, par exemple. Oui. J'ai beaucoup de jeux sur cette console-là aussi. Ouais. Ce que je vous propose, pour pas que vous soyez trop frustrés, c'est de finir par... alors, ça peut être aussi générateur d'un peu de frustration. De me citer, du coup, vos 3 consoles préférées. Alors là, je vois que vous êtes en train de cogiter, là, ça fume presque. Vos trois consoles préférées, alors je trouverais même cool qu'il y ait un ordre. Comme ça, ce sera encore plus dur de choisir. Mais si vous n'arrivez pas à me dire, dites-moi juste trois consoles. Est-ce que le PC fait partie du coup des consoles? Ouais, on va le compter. Techniquement, vous pouvez même aller sur d'autres choses, tu vois. Si ça se trouve, chez des jeunes, il y a des gens qui me diraient bah, le smartphone, tu vois, ou je sais pas, un Raspberry Pi pour se faire de l'émulation. Enfin, il y a plein de possibilités. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer ou... Allez, j'y vais. Donc vas-y. L'ordre, c'est de la le meilleur en dernier. Eh ben vas-y, commence du troisième pour aller au premier. Ok. Du coup, ça va être. Et s'il y a une console que t'as pas citée, profites-en pour donner quelques noms de jeux. Après, s'il y a des consoles qu'on a déjà évoquées, on en a déjà parlé, donc c'est pas nécessaire, quoi. Ok. Donc ça va être PlayStation en 3, ouais. PS1, Switch en 2. Ok. Et Super NES en 1. Ah ouais, donc t'es surpris, hein, t'es surpris. La Switch, elle se glisse comme ça dans ton top 3 all time. Ben ouais, surtout là, ces derniers mois, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de jeux qui me bottent, plein de jeux indépendants, des rééditions. Ah d'anciens moi, ça me fait jeux. Plaisir d'entendre ça. Ah ouais, mais truc de fou. Mais je suis étonné de pas entendre une PS2 sortir de ta bouche. Parce que PS2, j'aurais du mal à la rebrancher maintenant facilement. Ok. Je trouve qu'elle a, ben, même je trouve qu'elle a moins bien vieilli que la PS1. C'est bizarre. Que la PS1. Ok, ok. Ah ouais. La Switch, parce que... Tu me surprends, tu vois. Alors, il faut savoir surprendre. Et bah, du coup, donc t'as dit PS1, Switch. Allez, donne-nous 2-3 jeux, là, comme ça, vite fait. Sur Switch? Ouais. Ori. And the Black Forest et sa suite. Ou dans l'autre sens, je sais plus. Je vais dire quoi? Je vais dire No More Heroes 3. Ok. Que j'ai adoré. Je vais dire allez, Octopath Traveler. Ok. Et là, j'ai pas cité plein d'autres jeux indépendants qui me bottent, c'est que j'ai commencé, etc. Et pour ainsi dire, je fais aussi la liaison avec les jeux PS1 parce que j'ai commandé hier, sans le net, Chrono Cross. Ok. Voilà. Il est pas sorti chez nous, tu sais, de l'import, quoi. Et c'est de l'import, mais il y a le français dedans. Donc okay. C'est bien parce qu'à l'époque, je l'avais pris sur PS1, mais pareil en import, quoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, y a pas de normalement, meurtre. J'aurais essayé de corriger ça au montage. Mais si vous entendez des cris, c'est... Alors oui, effectivement, on n'est pas en train de commettre un meurtre. Il y a un contrôleur de jeu alternatif qui peut être contrôlé par les cris, en fait. Donc c'est pour ça qu'on entend ça au loin. D'accord. Donc voilà. Loïc, est-ce que tu as eu le temps de cogiter un peu? Bon, j'ai du mal à faire un top 3 comme ça. J'ai pas d'ordre, en fait. J'ai pas envie de mettre d'ordre parce que c'est trop... arbitraire. Ah bah, si t'arrives pas à mettre d'ordre, y a pas de souci. Moi j'ai envie dans le PC parce que j'ai passé toute ma jeunesse dessus. Ouais. La Switch parce que vraiment c'est une console que j'adore et que je trouve qu'ils ont ils ont bien réussi leur coup Nintendo là-dessus. Et du coup sur Switch tu nous donnes 2-3 jeux? Après moi je reviens toujours sur les mêmes jeux. Hein. C'est toujours Mario Kart. Tu peux me dire Mario Kart, Mario Kart. Odyssey et le Zelda, hein, Breath of the Wild. Non, Mario Kart, Mario Party. Tony Hawk que j'ai ressorti là. Beaucoup de bruit. Et c'est pas facile avec les cris. Hein. Non. Et voilà, enfin c'est des jeux classiques moi sur Switch. Après c'est des jeux aussi que je joue avec mes enfants. Ok. Donc, c'est toujours marrant de. Là je viens de télécharger, enfin je viens d'acheter Switch Sport avec les enfants, ça marche aussi super bien. J'aime bien. Je l'ai pas encore testé, il est bien. Il est bien, moi j'aime bien. Et okay. après je suis pas difficile hein, donc. Et après en dernier. J'hésite entre un peu entre la PS2 et la 3DS ou la DS. Ok. Deux consoles très différentes. Ouais, mais en fait j'aime bien la DS. Je trouve que les jeux étaient vraiment super bien faits. Et puis j'ai hacké la truc. J'avais une petite R4 et du coup c'est vrai que je dois vous avouer que j'aurais aimé qu'on parle de la DS, mais là on va pas avoir le temps. Et la DS pareil, il y a Mario 64. Enfin, il y a plein de jeux qui ont été réédités. Et puis c'est toujours pour moi ce que j'aime bien, c'est le côté transportable. C'est-à-dire que en fait on peut être à deux dans une pièce à faire deux trucs différents. C'est-à-dire que je suis pas obligé de monopoliser l'écran pour un jeu, quoi. Ouais. Voilà, comme ça, ça peut durer pour longtemps. Trop bien. Moi, j'ai pris mes petites notes, là, une fois de plus. Alors, ça va peut-être te surprendre, toi, mais en troisième, je vais mettre la PlayStation 3. PlayStation 3, en fait, pourquoi? Parce que... parmi mes jeux préférés, en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de jeux que j'ai fait sur PS3. Notamment deux jeux, et du coup, comme ça, je vous propose mes petites suggestions. Journée, effectivement. Devinez. Et Catherine. Journée et Catherine, c'est des jeux que j'ai découverts sur la PS3, et du coup, forcément. Et moi, c'est des jeux qui sont dans mon top 10 all time, quoi. Donc, PS3 en troisième. Même si là où j'émettrais des réserves sur la console, moi j'ai jamais trop aimé les contrôleurs, enfin les manettes de PlayStation. La 5 là c'est un petit peu mieux, mais jusqu'à la PS4, franchement je suis pas convaincu du tout par les manettes, je les trouve pas hyper confort. Mais le catalogue de jeux de la PS3 quand même est hyper quali. Si je rajoutais un troisième jeu, ce serait probablement, je vais pas dire Portal 2 parce que pour moi c'est plus sur PC quand même, donc je vais dire The Last of Us. Oui. Qui est pas mal, mais c'est surtout pour les deux jeux que j'ai cités précédemment. En deuxième, moi je citerai la Game Boy Advance SP, dans le sens où pour moi c'est la meilleure console portable de tous les temps. Pourquoi ? Parce que elle permet de lire les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Pour l'époque, elle était sur batterie et puis sur pile, et en plus elle était rétro-éclairée. Ouais. Donc le format trop pratique que tu plies, que tu peux emmener partout. Ça garde dans une poche, ouais. Et du coup, la possibilité de jouer au catalogue des trois consoles que j'ai citées. Donc si je dois citer trois jeux, je suis obligé de citer Pokémon, forcément. Alors trop dur de choisir. Moi, mes préférés, c'est Pokémon Or et Pokémon Rouge, quoi. C'est ces deux générations-là. incroyable. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre sur Game Boy, sur cette génération ? Moi, j'ai beaucoup aimé la Game Boy Advance, en fait. Sur Game Boy Advance, il y a eu plein de jeux qui étaient vraiment très cool. Et notamment, c'est une console sur laquelle j'aime bien, en fait, les RPG. Tu vois, il y a eu l'époque des... comment ça s'appelle ? Le gars qui est blond, là, avec des pics sur la tête. Je parle pas de Naruto. Cloud, en fait, mais il n'y a pas de FF7. Non, sur... non. Ah là là, j'ai un gros trou de mémoire. Golden Sun. Golden Sun, okay. Voilà. Il y a eu des trucs style Lost Magic. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui étaient très très cool sur cette console. Mais ouais, en fait, c'est surtout profiter du catalogue de toutes ces consoles. Et en troisième jeu, je citerai forcément, on en a parlé tout à l'heure, Link's Awakening. Pour moi, c'est très grand jeu. Très grand Zelda. Donc voilà. Et en première position, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est la GameCube, donc je suis ravi qu'on en ait parlé. Bon, je pense qu'on a tous des petites frustrations, on aurait aimé parler d'autres consoles, mais là que je regarde, ça fait déjà... ça fait combien de temps ? Ça fait 1h40 qu'on discute. Et c'est surtout que dans 10 minutes, j'ai une interview qui est prévue. Donc en tout cas, je vous remercie, ça m'a fait plaisir de vous recevoir dans ce 7e épisode du Club. Plaisir partagé. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir. Ce sera peut-être sur le prochain festival du numérique. Qui dans sait un an, c'est pas. Ça. Pour ceux qui nous écoutent, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, notamment si vous écoutez ça sur Apple Music, etc. Laissez un petit commentaire, etc. Nous, ça nous aide un petit peu à donner de la visibilité à ce qu'on fait. Et on espère vous avoir donné envie de découvrir des consoles et des jeux. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Bonne journée.